écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Allez, mes chers, dis-nous alors, comment vous allez? Si vous avez des questions posées alors, voilà la Bible devant vous, si vous avez des questions, posez toutes vos questions. Comment ça va, Yaya? On vous prend des cours. Il y a des petites questions là que moi je vais vous poser là. Pose, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des petits soucis là. Mm-hmm. Pas comment vous faites pour que ça soit en règle. Il est bien vrai, j'avais donné ma vie au Seigneur il y a de cela à 8 ans. Je n'avais pas là où persévérer, obligé de retrograder. Tu t'es obligé, regarde la façon de faire ça. Donc tu as mis ça en marche arrière. Il a mis en marche arrière. Il dit que comme... Quand vous êtes encore nouveau dans l'affaire, là, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous maintient à côté, vous verrez. Tu n'avais pas ta Bible avec toi, hein? La Bible, pour lire un roman, c'est facile, mais la Pour lire un roman, c'est facile, mais la Bible, c'est autre chose. Voilà. Donc tu lisais facilement la Bible, le roman par rapport à la Bible, non? Oui. Mais au moment où je veux m'intéresser à la Bible, il y a parfois la fatigue, la paresse. Mais quand tu lis le roman, c'est bien. Mm-hmm. Tu vois le film, c'est bien. Ça, ce sont les choses, comme on dit souvent, là, les choses mondaines. Donc en réalité, ça veut dire que ton cœur aimait plutôt les choses mondaines. Mais là-bas, tu n'as pas eu quelqu'un pour te soutenir. Je n'ai pas vraiment eu. Non, il dit, pour Dieu, il fallait quelqu'un pour te soutenir, sinon tu rentres en... Tu as dit me confier à un homme de Dieu, non? Tout si c'était un peu éloigné de moi. Non seulement ça n'a pas été. Depuis qu'on a parlé ici, depuis les deux derniers jours, tu étais ici? Bon, j'étais là le premier jour. Premier jour, ok. Pour le deuxième jour, j'étais pas là. Est-ce que quand tu rentres là, tu as le prié? Oui, j'ai prié. Tu as encore repris un peu de force? J'ai eu un peu de force et l'envie aussi. Et le désir de servir Dieu encore est revenu. Pour ces raisons, je suis là. Si au cas où vous n'êtes pas là, moi je vais donc faire comment. Parce que moi là, je me rends compte que s'il n'y a pas quelqu'un à côté, de temps en temps, je me dis. Et si tu pars par exemple en Chine ou bien chez les bouddhistes, il n'y a personne. Si un jour par un truc comme ça, tu tombes là-bas, tu vas faire comment? Tu vas chercher un bouddhiste pour te soutenir. Mais sinon, ce n'est pas facile. La Bible là, c'est pour qui? Pour ma voiture. Tu as ta propre Bible? J'ai ma part à la maison. Comme c'était un peu la maison un peu loin d'ici là. Ok. Donc maintenant, la question c'est, tu veux savoir comment faire pour maintenir cela, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Viens mon cher, viens t'asseoir. Ce que j'attends du Seigneur. Bonsoir. C'est vraiment ce que j'ai envie de marcher selon ces saintes écritures. Mais je ne sais pas comment. Qu'est-ce que les saints écritures te demandent de faire? C'est-à-dire, les saints écritures me demandent de vivre selon ce que... Ouvre le psaume 1, voir. Psaume. Non, pas devant ici. Continue devant, c'est loin encore devant. Continue. Voilà, tu es dans le psaume maintenant. Chapitre 1. Psaume combien? Chapitre 1. Somme voilà ça qui est coloré là-bas. Allons-y, lis-nous sa haute voix. Verset. À partir du verset 1, lis tout, c'est 4 versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'asseye pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit pas. Ne se fleurit pas. Tout ce qu'il le fait lui réussit. Mmh. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui le vent, que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, mmh. ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà. Maintenant, lis le premier verset. Tu nous dis ce que tu as compris. Lis encore le premier verset. Je l'homme qui ne marche pas selon la, le conseil des méchants. Mmh. Le premier verset là, ce que je comprends, dit, heureux celui qui marche, qui ne marche pas selon les faux amis. Quoi. Mmh. Bon, qu'est-ce que toi tu peux dire de ça compagnie. Voilà, qu'est-ce que toi tu peux dire de ça? C'est une bonne parole. Non, ça veut dire non, toute la parole de Dieu. Bonsoir. Toute la parole de Dieu est bon. Voilà. Je voulais dire, qu'est-ce que toi tu dis de cela? Ça te concerne en quoi? Ça me concerne à ne plus marcher comme si je marchais, comme si c'est le vent qui me contrôlait. Mm-hmm. Donc je dois marcher honnêtement. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc tu continues le verset. Je dois marcher honnêtement, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Allons-y. Ça dit quoi là? Ça dit, bon, selon moi, ça me dit que je vive, je ne dois plus vivre à la volée du vent. Je dois la méditer, c'est-à-dire. Avant de méditer, il dit, tu trouves ton plaisir. Oh. Trouver mon plaisir, c'est-à-dire vivre selon la volonté de Dieu. Avant de vivre selon la volonté de Dieu, il faut prendre acte de ce qu'il dit. Mm-hmm. Parce que voilà la Bible que tu as entre les mains. Oui. J'arrête la Bible comme ça. Est-ce qu'il peut vivre selon la volonté? S'il ne prend pas en compte la volonté, s'il n'entre pas en contact avec cette volonté. Donc, tu vois que pour vivre selon la volonté de quelqu'un, il faut connaître, non? Je dois connaître. Donc maintenant, comment connaître? Il dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, il trouve le plaisir à l'intérieur. Donc ça veut dire que... Voilà, jour et nuit. Ok. Maintenant, ça veut dire que, au lieu de passer le temps dans les amusements et autres, de racontage, de visites et autres là-bas, tu dois passer le temps où maintenant? Donc ça veut dire que voilà comment... C'est ce qu'il fallait faire. Tu vois? Apocalypse chapitre 1. Ouvre le chapitre 1 d'Apocalypse. Lis le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui. Donc tu as vu que si je lis déjà et tu gardes, tu es heureux, non? Mmh. Si tu ne lis pas déjà, c'est normal que tu rétrogardes. Parce que le cœur ne peut pas rester neutre. Il faut que tu sois en train de faire quelque chose. D'accord? Donc tu vois donc qu'en réalité, le problème que tu as eu, ce n'est pas parce que... Le problème que tu as eu, ce n'est pas parce qu'il n'y avait personne à côté de toi. Tu avais ce qui était le plus précieux à côté de toi. Mais tu ne prenais pas plaisir là-dedans. Tu ne prenais pas plaisir là-dedans. Il faut prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'il peut arriver quelque part, tu sois quelque part où c'est plutôt toi qui connais mieux la Bible, même que les gens qui sont à côté. Tu es en train d'attendre que quelqu'un soit là pour te soutenir. Pourtant, c'est toi même qui dois maintenant le donner. Oh, tu connais l'habitude, au moins, comme tu as dit, tu as donné ta vie à Christ il y a cela 8 ans. Tu vois que 8 ans, tu n'as pas progressé. Si toi-même, tu mets le maïs au sol, ça fait 8 ans, ça ne pousse pas. Tu as encore mangé ça. Hein? 8 ans, tu imagines à quel niveau tu devais être aujourd'hui. Maintenant, pendant les 8 ans, là, tu as lu la Bible combien de fois? Mmh? Parce que tu as pris une année, tu as lu toute la Bible. Comment tu vas progresser? Tu penses que donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que je reprenne les choses à main. Commencer à lire la Bible. Commencer à lire la Bible jour et nuit, méthodiquement, systématiquement. D'accord? Maintenant, ouvre 2 Timothée. N'importe quoi ce qui te dépasse, ça peut te casser. D'accord? Porte le petit. Porte le petit. Alors, vas-y maintenant. 2 Timothée 2, lis le verset 22. Timothée 2, 22. Oui. Allons-y. Ok. Suis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la loi, l'amour, la foi. La foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Relis encore. Suis les passions de la jeunesse. Non, tout doucement. Fuis les passions de la jeunesse. On s'adresse à qui là? Que tu fasses quoi hein? Je fuis les désirs de la jeunesse. Pas les désirs. Les désirs, c'est différent. Le plaisir de la jeunesse. Oui, c'est encore ça ensemble. On disait les... Les désirs. Non, regarde bien ce qu'il écrit. Les passions. Voilà, parce que les désirs, c'est encore plus bas. Tu vois, les plaisirs, c'est encore plus bas. Les passions, c'est très grave. Bon, ça veut dire que quelle est la recommandation ou bien quel est le commandement que Dieu a en réalité dit toi, quand tu, comme tu viens de lire là. Renoncer la vie du monde. Ok. Tu as envie de comprendre que c'est ce que les décisions que tu as de prendre, quand tu les prends ça devant lui, ça veut dire que tu ne dois plus faire les choses du monde. Oui. Il dit que tu fuis. Non, pas dit, c'est même pas de lui, pas de fuir. Quand on fuit, on court, on part en courant, non? Fuis les passions de la jeunesse. Et quand il demande de fuir, de l'autre côté, tu fais quoi? Non, c'est là-bas, c'est là-bas, lui. Le deuxième volet, il dit fuis les passions de la jeunesse et. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Où ça? À l'église? Où ça? C'est là-bas où ça se trouve. Si tu as fermé, tu vas encore ouvrir. Ça se trouve dans le verset. Tu as trouvé, mon cher, tu as trouvé le passage. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Oui, lis, vois. Oui, lis. Et je dois chercher la justice, la vérité, la paix, l'amour. Avec les conjoints, quoi. Bon, maintenant, est-ce que tu es prêt à enfuir les passions de la jeunesse? Tu connais les passions de la jeunesse, non? Oui. Quelles sont les passions de la jeunesse que tu connais? Ne fais pas comme si tu ne connaissais pas, tu connais bien. Ne fais pas comme si tu ne connais pas. Tu fais un, comme si tu réfléchissais. Tu connais, non? N'est-ce pas, mon cher? Je connais quand même. Voilà. Dis-nous donc, qu'est-ce que les passions de la jeunesse? Parce qu'on dit les passions, donc c'est plusieurs. Donne-nous alors. Quelles? Comme quoi, par exemple? La fornication. La fornication, oui. Il y a plusieurs. La fornication, okay. La bouffonnerie. Oui. Bon, maintenant, tu vois que c'est les passions. Les gens font ça dans la passion, non? Qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui alors? Je dois lever ça dans. Anna, lui, sache que tu es en train de parler devant quelqu'un en dehors de nous. Devant Dieu. Devant Dieu. Donc, ça veut dire que tu vas faire ça à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus le faire. Mais il dit que tu fuis ça et tu recherches la justice, la paix, l'amour, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur, c'est ce qu'il écrit là-bas, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc ça veut dire que ton rassemblement, pour que tu puisses grandir dans la sainteté, grandir, il faut que ce soit le rassemblement avec des gens qui sont dans la pureté. Si ce n'est pas dans la pureté, tu vas toujours tomber dans la même chose, pas vrai? Tu as vu qu'en réalité, ce n'est pas compliqué donc, de suivre Dieu, non? La base, c'est qu'il faut que tu t'entraînes à lire la Bible, il faut que tu aies la passion de la Bible plutôt. Tu vois, que tu sois passionné, comme il a dit, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la lecture de la Bible, tu dois reprendre. Tout en priant, chaque fois en priant, chaque fois que Seigneur, garde-moi, garde mon cœur. D'accord, mon cher? Voilà. Autre question? Oui, mon cher. Moi, il n'entend pas. Quand il parle, vous entendez. Quand il parle là-bas, il parle comment? Le feu sort. Il parle là-bas, le feu sort, n'est-ce pas? Je voudrais savoir, Dieu a choisi un seul jour pour le jour. Où ça? Non, je dis que... Tu veux savoir où tu es en train d'affirmer? Non, je voudrais savoir. Oui. Par par rapport à ce que je connais, je vois que c'est la vie. De savoir, à part des autres produits que nous pouvons trouver, il a choisi un seul jour que nous devons nous vivre. Bon, je voudrais savoir quel est ce jour. Mais c'est toi qui en avais dit qu'il a choisi un jour. Dis-nous le jour, non. Elle dit que Dieu a choisi un seul jour pour le prier, pour le louer. Il veut avoir la confirmation. Elle connaît la confirmation. Elle voit la confirmation. Il veut savoir quel est ce jour. Non, c'est pour ça qu'elle dit que tu parles fort qu'il comprend bien. Il ne comprend pas bien. Il y a un jour que les gens adorent Dieu vraiment. Oui. Bon, comme on peut dire, les gens, exemple, bon, donc les gens adorent Dieu le dimanche. Non, il te voit venir, il te comprend. Ne t'inquiète pas. Avant que tu ouvres la bouche, je savais de quoi tu veux parler depuis, d'accord. Le dimanche. Donc adore Dieu le vendredi, le samedi, tout ça. Oui. Oui. Donc, je voudrais savoir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Voilà. Parce que là, on dit quoi? On ne sait pas vraiment ce que Dieu dit. Parce que d'autres gens, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le jour. Donc là, j'ai envie de vraiment savoir quel est le jour. Bon, maintenant, c'est tellement le jour dans la Bible maintenant. Désormais, si toi-même tu étais dans l'erreur avec ce jour-là, tu vas te corriger. Si c'est vrai. Si c'est, mais si c'est dans ta Bible, c'est que c'est vrai, non? Si c'est dans la Bible, c'est vrai. C'est que c'est vrai? Oui. Ok. Bon, par rapport à moi, hein? Non, non, ne parle pas de pour toi. On va d'abord voir. Vas-y, fais pas ça. Par rapport à la connaissance que je connais, qui est dans la Bible, par rapport au jour. Non, ne t'inquiète pas d'abord. On va regarder d'abord le jour, d'accord? Bon, avant cela, avant de répondre le jour, je te pose la question. Adorer Dieu, c'est quoi? Le louer. Le louer. Ça dit quoi? Prier Dieu. Bon, avant de venir, si tu as prié. Avant de venir nous, c'est rassembler avec nous là. Est-ce que tu as prié? C'est le jour, c'est qu'il a demandé qu'on prie. Non. Pourquoi donc tu as prié aujourd'hui? J'ai bien posé ma question. Donc, à part tous les jours que nous prions, oui. Mais il y a un seul jour qui est consacré. Donc, on peut dire le jour que lui-même s'est reposé. Ah, ok. À part sa création, ce qu'il a fait tout sur la terre. Il a dit que ce jour, c'est le jour de Dieu. Ok, non, je te comprends depuis. Il dit en dehors de cela, tu vois, nous sommes quoi? Nous sommes. Attends, non, je t'ai déjà compris, ma chère. Fais-la s'asseoir pas ici, comme ça le gars ne dérange pas. Viens si. T'asseoir à côté. Viens t'asseoir ici. Comme ça tu vas parler, veux bien comprendre. Non, je ne t'inquiète pas, c'est la personne qui a mise là-bas. Non, voilà. Comme le pied. Donc, vous voyez qu'il y a des questions très intéressantes ici. Donc, quand tu as quitté la maison, nous sommes mardi, c'est mardi aujourd'hui. Tu as prié à la maison. Dieu t'a écouté. Il a cru de prier. Si on fait les prières en dehors du jour là, dont tu as parlé, le jour là, qu'on va voir dans la Bible tout à l'heure là, est-ce qu'il écoute? Bon, pourquoi ces jours-là spécifiquement? Parce que c'est le jour que lui-même a choisi. Parce qu'on dit qu'il a besoin d'une partie, qu'il faut prier sans cesse. Donc on dit d'abord prier sans cesse, j'ai compris. Donc en ce moment, quand tu es là et quand tu sais que le moment-là, il faut prier. Oui. Mais lors de sa création, il a créé le jour où il a choisi. Lui-même, il a choisi un jour de repos qu'il a dit dans le jour. Il a choisi un jour de repos. Donc là où il a dit qu'il a dit ça, c'est le jour de repos. Que nous devons trouver le jour. Ok. Bon, maintenant, ça veut dire que s'il a choisi un jour de repos, ça suppose que les autres jours, alors, on ne doit pas faire ça. Il a dit dans sa parole, prier sans cesse. Oui. Y compris même le jour de repos, non? Oui. Et qu'est-ce que veut dire dans ce jour de repos, on doit donc faire quoi dans ce jour-là spécialement? Donc, ce jour-là, on prie seulement. Et les autres jours, on fait comment? La même chose, mais il a choisi un jour. Ça, ça ne comprend pas. Il dit, si il est pris lundi, il accepte. Mardi, il accepte. Mercredi, il accepte. Jeudi, il accepte. Vendredi, il accepte. Samedi, il accepte. Dimanche, il accepte. Ok. Pourquoi? Il y a un jour spécial. Pourquoi? Pourquoi un jour est spécial parmi les sept qui est cité? Ok. Comment il a choisi là? Et les autres jours, alors, qui a choisi? Bon, on prie lundi, il accepte. Pourquoi? Est-ce qu'il a choisi lundi? Non. Mais tu as dit, c'est mardi, jeudi, tu as prié, il a accepté. Mais ça, c'est ce que... Non, ça, c'est ce que... Comme il a dit prier sans cesse. Oui. Bon, moi, ma question, je ne sais pas si c'est vraiment. J'ai compris ta question, j'arrive sur ta question. C'est juste que. Quand vous l'avez. Bon, il ne t'est pas. Je te pose la question. Voilà. Bon, maintenant, attends, je te pose une dernière question. Le jour là, on l'adore comment et où? À l'église. À l'église. Donc, il a dit que ce jour là, particulièrement, c'est un jour où il y a l'église. Quand il avait dit ça à la création, il y avait l'église. Alors? Quand il avait dit ça à la création, comme tu as dit qu'il s'est reposé, il y avait l'église. Là, ils ont trouvé un temps dans chaque monde pour dire qu'il n'y a pas besoin. On a quoi? Oui. Mais on peut prendre déjà comme on ne peut pas vraiment comme une église, mais on est un lycée. Ok, ok. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il a dit ça depuis au temps d'Adam. Et l'église a commencé quand les lieux qu'on a consacrés pour l'adorer a commencé à partir d'un moment. Suis bien. Il y a Adam, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Moïse, tu as vu cela? Parmi tous ceux-là, qui est celui-là? Donc, les gens avec qui il avait parlé, Adam, ainsi de suite, ils avaient respecté ces jours-là. Il avait fait ce que tu as dit là. Ils sont allés quelque part spécialement le jour là, le jour qu'il a dit là pour adorer dans les lieux. Pour d'abord savoir le jour. Donc ça veut dire que j'espère que c'est bon là déjà. Donc ça veut dire qu'il y a un jour où on a adoré. Et je t'ai posé la question que on sait où est-ce qu'on doit aller adorer. Tu as dit que c'est à l'église. Ouvre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Tes questions sont finies, mon cher. Ok, donc on va prendre prioritairement vos questions, d'accord? Prioritairement leurs questions. Tu es dans Jean là, mon cher. Jean chapitre 4. Lis à partir du verset 20 voix à haute voix. Bon, bien, quelqu'un d'autre va lire. Toi, tu es dans Jean déjà. Jean 4. Frère Jean 4. Jean 4. Oui, lis-nous le verset 20 et suivant. En dedans, toi, suis avec tes yeux, d'accord, ma chère? 20. Et suivant, continue, commence à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette. Oui, il y a une voix là. Et vous dites, vous que le Dieu où. Le lieu. Et vous dites vous que le lieu, c'est lieu pas Dieu. Vous dites vous que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Est à Jérusalem. Quoi. Oui. Femme. Oui. Lui dit. Oui. Jésus, oui. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Regarde-moi, monsieur. La fille, hein? Tu as vu ce qu'elle a écrit? Jésus dit quoi? Il a inclus bien, il a exclu. Il a exclu les lieux. Ok. Maintenant, on va aller vraiment doucement, d'accord? Donc, Jésus est en train de discuter avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, elle est samaritaine. Jésus est juif. Le juif, la femme dit à Jésus que juste que vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait quoi à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem là où on adorait Dieu? Elle comprend. Mamie, il y avait quoi à Jérusalem? Oui. À Jérusalem, il y avait quoi? Il y avait le temple. Il y avait le temple à Jérusalem, n'est-ce pas? Là, on partait prier, on partait louer Dieu. Mais Jésus dit, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem. N'est-ce pas? Ni sur cette montagne où on adorera le Père. N'est-ce pas? Il vient de faire quoi de Jérusalem? Il a exclu Jérusalem. Ok, on fait quoi du temple là-dedans maintenant? Donc, ça veut dire qu'on part là-bas, on ne part plus. Il part là-bas, il part de louer qui? Il part Dieu. Mais Jésus a dit que ce ne sera plus ni là-bas. Tout à l'heure, tu m'as dit que le jour où on doit louer Dieu, on va se faire ça où? Non, tu as dit, il y a un jour où on doit prier et louer Dieu. J'ai dit que, ok, on admet qu'il y a un jour où on doit prier parce qu'on va y revenir. La question que je pose, c'est, on doit le louer où? Oui. Une réponse. Donc, si tu n'as pas une réponse du lieu, on va le louer. Comment non? Si tu n'as pas une réponse du lieu, on va le louer. Comment tu vas savoir que depuis le jour là, tu en as loué comme il faut le faire? Parce que tu ne connais pas comment le faire le jour. Oui. Oui. Et il dit ce jour-là qu'on fasse quoi de cela dans les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il dit qu'il faut qu'on fasse le jour là? C'est le quatrième commandement, n'est-ce pas? Ouvre Exode chapitre 20. Oui, je suis là. Uh-huh. Tu m'attendais là-bas, non? Tu cherchais ça, oui. Non, uh-huh. Oui, tu es tourné, c'est moi. Je dis que t'attends ici au bout. Allons-y maintenant. Bon, moi, je m'attends. Je commence le verset 11. Il n'y a pas de problème. Il dit cela. Quand en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Non, tu as lu car. Il faut voir, il y a un ordre qui donne avant de justifier cela. Va à partir du verset 10. Allons-y. Mais le septième jour. Non, va en 9. Tu travailleras 6 jours. Oui. Et tu feras tout ton ouvrage. Oui. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Voilà. Parce que vous êtes prévu. Mais tout à l'heure, tu as sauté, tu as encore allé jusqu'au verset 11 en bas. Ok, donc. On dit que le septième jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Oui, oui. Mais toi, tu as dit que ce jour-là, on doit le louer. Elle a dit qu'on se repose. Oui. Il y a une partie encore. Uh-huh. Dans l'Éthique. Uh-huh. 19. Oui. Verset 30. Oui. Dit, vous observez mes sabbats. Oui. Et vous observez mon sanctuaire. Oui. Je suis le témoin. Amen. Quand il parle de sabbat. Oui. C'est comme quand on dit dans le dictionnaire. Oui. Le sabbat, c'est le sabbat. Ah, c'est clair. C'est clair. Uh-huh. Oui. Ça veut dire que moi, observer, donc quand il dit sabbat, c'est quoi? On doit l'adorer le plus le sabbat. Il a dit qu'on observait. Oui, il dit vous observerez le sabbat. Le sabbat. Mm-hmm. Et dans... Attention, il n'a pas dit le sabbat. Il a dit quoi? Les sabbats. Lesquels? Les sabbats, ça veut dire quoi? Chaque samedi. C'est ça que ça veut dire. Chaque samedi. Hein, les samedis. Oui. C'est ça le sabbat. Oui, les sabbats. Mais sabbat. Vous, les anciens, vous aurez des problèmes. Si vous n'assumez pas ces choses-ci. Donc, ça veut dire que Dieu dit que chaque samedi, on l'observe ça, n'est-ce pas? Hein? Moi, je vois parfois ici, c'est pas le sabbat. Oui. Moi, c'est ça que je lui ai posé ma question. Mm-hmm. Il a déjà dit qu'il y a 6 jours pour le travail. Le 7e jour est le jour du repos. Mm-hmm. Quand on parle du 7e jour, ça tombe le samedi. Ça tombe le samedi. Parce que moi, c'est le 7e jour, quand on dit normalement, c'est dimanche. Oui. Mais quand il parle aussi de sabbat, oui. Ça veut dire le 7e jour, c'est samedi. Oui. Bon, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas venu à repérer le jour dont Dieu parlait pour le repos. N'est-ce pas? Oui. Ok. So, comment on observait ce jour de repos? C'est 5 jours, c'est 5 jours, c'est ce que la Bible dit. Non, tu as dit tout à l'heure que c'est dans la Bible, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc le 7e jour, c'est samedi. Voilà. Maintenant, on avance. Ce 7e jour-là, on doit faire quoi ce jour-là? Mm-hmm. Je n'entends même pas ce qu'elle a dit. Vous entendez ce qu'elle dit? Tu cherches quoi? Quel verset encore? On dit quoi? Pendant qu'elle allait chercher le verset, vous avez eu à rencontrer ce problème-ci. Quel est le jour du repos? C'est quand? C'est quand? Le dimanche. Attends, vous avez le problème de parler ici. Vous toujours parlez seulement à l'heure, le vendredi ou comment? Le dimanche. Mademoiselle, toi tu t'appelles comment? Sylvie. Sylvie. Ton frère qui vient de dire que c'est dimanche et c'est le jour du repos. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Voilà, donc dis-lui ce que la Bible dit. Dis-lui que la Bible dit que le jour de repos, ce n'est pas dimanche. Dis-lui ça. Ça, c'est clair que tu as suivi. Tu as suivi, non? Voilà. Bon, les samedis, toi, tu travailles. Tu passes au travail samedi. Dis-lui donc ce qu'il ne faut pas. Ce qui... uh-huh. Toi, tu fréquentes les samedis, tu fais comment? Si on programme les compositions ce jour, tu fais comment? Si il y a l'examen ce jour, tu fais comment? Voilà. Et ce jour, tu fais quoi? Oui. En tout cas, tu fais le culte. Oui. Ton église est à quel niveau? Ton église, où tu parles, c'est à quel niveau? Non, on parle de tout. Je veux seulement te montrer quelque chose. Non, on ne parle pas des églises. J'ai parlé des écoles maintenant, non. Je lui ai parlé du travail. Je pose la question pour amener quelque part parce que je vais te donner des réponses, d'accord. L'église là est située où? Il n'y a pas de mal au nom, ne me donne pas le nom. C'est où? C'est le lieu où c'est situé. Quand tu quittes ici, tu es dans le camp sinon. Oui. Quand tu parles, est-ce que l'église là est ici dans le camp? Non. Ça se trouve où, dans quel quartier? Parce que tout à l'heure tu vas comprendre pourquoi il pose la question. Ça se trouve où? À Odja. Mm-hmm. Où est le frère qui connaît? D'ici Odja, ça fait combien de kilomètres? Ça fait à peu près 8 kilomètres. Ok, 8 kilomètres. C'est bon. Donc tu quittes ici, tu pars 8 kilomètres pour aller là-bas. C'est bon. Le jour de repos, pour toi, c'est quand? C'est dimanche que tu te reposes ou c'est le jour que Dieu a dit? C'est comme mon repos, c'est dimanche. Il dit que c'est que son repos, c'est dimanche. Et pour toi, ton point de repos, c'est quand? Dimanche. Pour toi, c'est quand? Dimanche. Pourquoi vous vous reposez plutôt le dimanche? Parce que c'est le jour où Dieu avait demandé que l'homme doit se reposer. Donc, ça dit son jour qu'on doit l'adorer. Toi, tu as dit que c'est quand? Le samedi. Lui dit que celui-ci, ça part des jours qu'il avait dit c'était dimanche. Voilà, montre-nous comment tu as dit que c'est. Tu as fait comment trouver un dimanche. Plus moi, je suis né, que je connais depuis ma naissance, que c'est comme ça. Non, depuis l'instant, on s'est toujours reposé le dimanche. Dimanche. Ouais, vous voyez qu'on est passé phase par phase, des phases pratiques, non. Voilà ce que vous allez rencontrer. Donc vous allez être confronté aux gens qu'on a détournés dans la vérité. Vous devez les redresser. La Bible déclare dans 2 Timothée 2, versets 24 et 26, il dit qu'il ne faut pas que les serviteurs aient des querelles. Parce que ça peut arriver au niveau où ça va élever la voix au sujet de ces choses-ci. Parce que ce sont des choses qu'ils ont écoutées. Maintenant, la Bible déclare qu'il faut au contraire redresser avec condescendance dans la douceur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit avec espérance que quoi? Que Dieu va lui accorder quoi? La repentance. Et que revenu à elle-même, il va se dégager des pièges de Satan qu'il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc toute opposition. À la vérité est contrôlé par Lucifer. Toute opposition. Tu vois, là maintenant il y a une manipulation et ce n'est pas son problème. Tu vois que celui-ci dit qu'il est né dedans. Tu poses la question à l'autre, la main dit que non, je suis né catholique. Je vais mourir catholique. D'autre part, vous dites que mon ami quitte avec ça, moi je vais mourir catholique. Nous sommes tous catholiques chez nous. Vous voyez, chaque personne a des problèmes. Lui, il dit qu'il est né dedans, son jour de repos était toujours, il a toujours trouvé ça que c'est. Mais, oui. Puisque nous sommes nés dans. Bon, nos parents, mm-hmm. On a cru que nos parents, par exemple, ils sont catholiques. Oui. Bon, tu as été baptisé. Confirmé. Oui. Bon, maintenant, tu trouves que ton père, mm-hmm. Si c'est ton père, sont tes parents. Oui. Il a son chemin, tu as trouvé que lui. Il fait ça. Je suis catholique. Mm-hmm. Toi, tu sais depuis la naissance que mon père m'amène toujours. Oui. À l'église chaque dimanche. Oui. Et le dimanche, mon père ne part pas au travail, il ne fait pas ceci. Donc c'est devenu une habitude quoi. Donc là, tu grandis avec ça, tu sais que chaque dimanche, oui. C'est le jour où le Seigneur est venu, que le Seigneur est venu, oui. Donc ce qui fait que c'est ça qu'on a grandi avec. Oui. Et c'est pas facile qu'un matin tu te lèves, peut-être tu es devant ton père, tu dis. Je pose la question. Prenons cette même chose là avec le vol. Si ton père, tu étais petit avec ton père, il entrait dans le champ de quelqu'un, il coupait la banane, il dit tu portes, pas mettre à la maison. Après, pas qu'il creuse le macabre de quelqu'un, il porte, tu peux le mettre. Il en a fait quoi? Il a en train de voler. Mais vous êtes, c'est une habitude, non? Oui. Quand tu vas grandir maintenant, si on dit que tu ne voleras point, tu vas faire comme non, j'ai l'habitude de voler. Non, c'est pour ça que je suis en train de dire ceci. Mm-hmm. Bon, maintenant, où nous sommes déjà en maturité, où déjà on a l'âge où tu peux dire à ton père, bon, papa, moi, je joue. Oui. Je vois que les catholiques, peut-être il y a ce qui vient, les protestants, il y a ce qui vient. Oui. Moi, j'ai mon grand frère. Oui. Mon grand frère, il est musulman. Oui. Il s'est islamisé. Alors que dès les enfants, on vous a entraîné dans tous ces histoires catholiques. Oui. Oui. Donc, il a grandi, il a pris son chemin. Il a pris son chemin. Donc, en clair, le fait que quelqu'un dise que je suis catholique, nous avons grandi catholique, n'a pas de sens. Il n'aura pas de justificatif, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'à l'âge de la raison, chacun peut discerner. Moi, par exemple, je vais vous prendre l'exemple. Moi, je sais que nous tous, nous avons le même Dieu. Mm-hmm. Avec qui? Que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, que ce soit les bouddhistes, les... ils louent le même. Oui, c'est le même Dieu. Vous avez entendu, non? vous avez entendu ce qu'on a dit, non? Oui. Mm-hmm. Bon, il y a deux dieux. Il y en a plusieurs. La Bible dit qu'il y en a des milliards. Oui. Ok. Vous voyez qu'il est suffisant. C'est bien. Donc vas-y, quand tu vas venir, avant qu'on va continuer ta question, d'accord? Donc maintenant, tu vois que tu viens de faire l'erreur en disant qu'on loue le même Dieu, non? Oui, mais pour moi. Oui. Moi, je ne vais pas louer. Comme il a dit que pour lui, le jour de repos, c'est dimanche. Bon, quand tu penses que c'est dimanche, que Dieu a dit. Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'il est temps maintenant que peut-être nous-mêmes pour voir que. Parce que là, c'est bien dans la tête. Voilà, donc il faut corriger ça, n'est-ce pas? Il faudra qu'on voit maintenant en réalité quel est ce jour. Oui. Voilà. Maintenant, si on voit ce jour-là, ça veut dire que tu penses que mon père m'avait dit a eu à me conduire ainsi, ça n'aura plus de sens à ce moment-là. C'est ce que la vérité dit qu'on va prendre, pas vrai? Oui. Et à cet instant-là, il y aura une décision à prendre. Oui. La Bible déclare qu'il y en a plusieurs dieux dans les cieux et sur la terre. Oui. Pour nous, il en existe réellement qu'un seul. Donc, il y a plusieurs dieux. Bon, par contre, moi, oui. Je sais ma façon de faire. Oui. Je sais au moins, je dis que partout où j'arrive, on loue l'éternel. Oui. Si c'est vous, trouvez que peut-être vous tapez vos frères, quand j'entre là. Tu tapes seulement. Tu vois que c'est encore l'habitude que c'est toi-même qui t'es fixé, n'est-ce pas? Oui, puisque pour moi, je sais que c'est toujours Dieu qu'on loue. Oui. Tu pars chez les animistes, ils appellent l'arbre Dieu, tu continues, tu dis qu'ils passent par là-bas pour trouver Dieu. Tu pars, tu loues. Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche la vérité. Donc, c'est pour ça que vous dites que maintenant là, c'est bien de connaître que l'on voit, il y a tel jour, tel jour. Bon, par exemple, moi, par exemple, on peut louer même du contraire, mais nous n'avons pas l'habitude. Oui. Tu vas le louer comment alors? Je ne sais pas si vous comprenez. Et si il ne lit pas la Bible, comment tu vas le louer? Parce que je dis que dans la Bible, maintenant, c'est là, ça te permet de connaître beaucoup de choses. Moi, c'est mon voisin, je suis avec lui. Attends, est-ce que tu sais que tu peux chanter des choses pour Dieu en chantant pour Satan? Il veut te chanter une chanson, tu vas me dire d'accord. Tu as entendu parler de la chanson écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Je n'entends pas mon nom, Seigneur. Vous connaissez ça hein? Tu as suivi ça hein? Tu as suivi. Quand tu danses ça, tu entends ça, tu danses non? Est-ce que c'est biblique ça? Comment tu vas savoir si c'est biblique si tu ne lis pas? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc tu peux louer le diable avec le nom de Dieu. Oui. Comme vous avez dit la dernière fois. Oui. Parce que quand même quelque chose arrive doucement comme ça, au lieu de dire oh Satan. On ne peut pas dire Satan. Oh Dieu. Même Jonas a l'idée qu'il est mort, qui servait le diable, qui a même dédicacé le diable. On n'a pas amené à un temple de diable pour c'est un temple catholique. Bon, du moins, entre guillemets, maintenant Dieu, pour qu'on a amené pour prier. Dans le texte, c'est qu'on a prié comme ça Dieu. Quand quelqu'un meurt, vous avez entendu que quelqu'un est mort. À la veille mortuaire ou bien dans la nuit de la mort, on a mis la musique du petit pays. Vous avez entendu des pareilles choses. Qu'est-ce qu'on met? Les louanges. Pourquoi quelqu'un grandit quand il est là, on parle de Dieu, il refuse. Mais quand il fait son corps, on veut mettre plutôt la musique de Dieu. C'est ce qu'on a appelé maintenant la musique de Dieu, la musique du deuil. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors, nous avons une tradition qu'on a nous-mêmes fixée. Et on veut faire croire aux gens que cette tradition là c'est la façon de Dieu de marcher. Vous comprenez? Alors c'est pas comme ça. Ce que vous tenez entre vos mains là, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 17 verset 17 que Père sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc même si nous avons les opinions sur n'importe quoi, c'est ce que la Bible qui dit, c'est ça qui va trancher. Maintenant celle-ci dit que le septième jour c'est samedi. Lui dit qu'il connaît que depuis l'enfant, on lui a toujours dit que c'est dimanche. Toi tu dis que ton père te trimballe là-bas chaque dimanche. Tu ne te pas, tu fais comment alors? Vous avez raconté ça, non? Dimanche. Maintenant, il faut maintenant que la Bible nous dise quel est ce jour. D'accord? Alors, d'abord, maintenant, d'après la Bible, on va proposer. Pointe quelqu'un parmi les hommes ici, il répond à la question. Pointe n'importe qui tu veux là. Voilà, ton voisin. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème entre eux, c'est pas derrière, c'est entre eux ici. Ils vont s'arranger. Dis-nous, parce que c'est lui qui va trancher maintenant, il va nous montrer. Celle-ci a dit que c'est samedi. Surtout à dire que c'est lundi. Donc c'est une probabilité de 2 sur 7. On est d'accord? Parce qu'il y a 7 jours. Il se pourrait que ça ne soit ni l'un ni l'autre. Est-ce que celui qui dit c'est dimanche a raison ou bien est-ce que c'est juste qui est samedi qui a raison? Déjà que la Bible dit qu'il y a un jour. Lequel? Dieu dit que le jour de repos était quand? Bon, moi ce que je pourrais donner comme réponse, c'est que on loue Dieu. Non, suis attentivement. Nous sommes ici dans l'ancien temps, oui. Où on a dû voir les commandements que Dieu a adressés, qu'on doit adorer. Il a fait le travaux en six jours. Et le septième jour, il s'est reposé. Oui. Le but, c'est de savoir quel est ce jour. D'abord, profond, avant qu'on va entrer maintenant dans l'adoration, pour voir si c'est encore conforme aujourd'hui. Quel est ce jour? Dimanche ou samedi? Ce jour, c'est dimanche. C'est dimanche. Donc, tu rejoins celui-là. Qui est d'accord avec lui? Donc, non, tu peux pas dire c'est ton voisin. Non. Tu es d'accord avec lui? C'est vrai que la question apparemment des fois c'était comme si c'est banal. Oui. Mais on trouve un certain, ça c'est profond. Oui. Et c'est des choses dans lesquelles pas bien d'allumer une fois. Donc, on ne s'attarde pas souvent. Oui. Donc moi, dans l'Ancien Testament par exemple, oui. C'était le sabbat, c'est-à-dire samedi qui correspond à samedi. Oui. Mais dans l'ère de la grâce, oui. Le Nouveau Testament avec oui. Jésus. Non, on ne parle pas dans le Nouveau Testament. Donc d'après dans l'Ancien Testament, on dit donc que le sabbat c'est quand? Le samedi. Le samedi. Toi tu as dit que c'était quand? Dimanche. Dimanche. Frère, c'est quand? Tu es neutre. Tu es dans la nuit du samedi à dimanche. Hein, frère, c'est quand? Samedi. Samedi. Quoi, frère? Samedi. Il faut que tu parles pour qu'on entende. Parce que si c'est une dème, tout le monde sait que tu es une dème. Allons-y. Samedi. Frère? Donc, vous voyez effectivement que le sabbat, c'est samedi. Donc, c'est elle qui a raison. Maintenant, ça va, non? Ça va. Donc, le jour où Dieu avait dit qu'on doit adorer ce sabbat, c'est samedi. Voilà. Il y a encore des questions? Ta question arrive. Ok, il y a des questions? Non, je continue à voir ma femme. Non, non, ça va. Moi, elle a suivi. Des questions? On va revenir sur le sabbat, d'accord? Mm-hmm. Donc, de mon côté, on continue. On parlait de la sanctification. Sanctification. Que tu dois fuir le monde. Tu n'as pas fui le monde. Oui. Mm-hmm. Donc, même si n'importe quel jour, tu fuis seulement. Tu comprends? C'est que je fuis. Oui. Tu dois fuir. Et rechercher. Mm-hmm. Non, c'est pas moi qui ai dit. Comment tu dis? C'est moi qui dis. C'est toi qui as lu là-bas, non? On dit fuis les passions de la jeunesse. J'ai un problème qui me bloque. Oui. Dans tout ça, tu peux tout abandonner, mais il y a quelque chose qui me bloque là. Oui. Par exemple, comme je venais de dire, la fornication. Oui. Oui, apparemment, ma fiancée là, nous ne sommes pas encore mariés. Oui. Mais la Bible me dit quelque chose. Oui. Qu'on doit d'abord se marier. Oui. Mais comme selon la chair, comme la chair ce qu'il est, oui. Et le monde, oui. Pour se marier à nous, ce n'est plus facile, oui. Ce n'est plus donné à n'importe qui. Oui. Bon, je ne sais pas comment je peux donc faire. Bon, c'est comment parce que c'est que la Bible si c'est adressé pour les esprits ou même pour les chairs. Les commandements qui sont écrits là-dedans, c'est adressé. Donc ça veut dire que les anges lisent ça aussi pour obéir à ça. Hein? Non, la chair au temple. Donc c'est pour les gens qui sont dans fait de la chair. Donc la Bible, aussi on ne lit pas la Bible pour dire que non, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas parce que tout le monde, tout est parfait là-bas. Mm-hmm. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est l'excuse de la chair. Pourquoi? On dit que fuis les passions de la jeunesse. Maintenant tu dis que, et comme de nos jours, on ne peut plus se marier, n'importe comment, comme c'est Dieu, pourquoi c'est Dieu qui s'est marié? Demain, je ne sais vraiment pas comment répondre à cette question. C'est que, oui. À nos jours, pour progresser dans le Seigneur, comme la Bible me dit d'abandonner tout ça, oui. Je peux bien le faire, mais je ne sais pas par où commencer. Parce que je me suis engagé avec. Dépose la Bible sur le sol. Comment tu as fait pour déposer ça, frère? La décision. Quand j'étais dit déposer, tu as déposé. La Bible dit fuis les passions de la jeunesse. Tu vas faire quoi? Tu as fui, c'est simple. Il n'y a pas de façon. On dit que fuis. Tu dis, je ne sais pas comment je peux commencer pour fuir. Il faut marquer un pas. Tu comprends ce que c'est. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Hein? Quand on dit fuis, s'il y a une explosion, on dit pomme. Avant qu'il dit manque courir, tu seras derrière là-bas. C'est pas ça. Hein? Mais pourquoi tu dis que je peux abandonner tout? Tu dis que je peux abandonner tout, mais l'autre là. Donc tu comprends très bien que tu n'as même pas d'abord le désir d'abandonner. Parce que tu dis je peux. Il y a là une volonté, une force que tu peux exercer pour abandonner toutes les choses. Mais comme l'autre ciel est sucré. Comme l'autre ciel est sucré, tu dis que non, quand même, pas celle-là. Donc toi-même tu sais que la Bible demande de ne pas forniquer, non? Mais tu vois que la fornication aussi bon. Quand on fornique, c'est très bon pour la chair, pas vrai? C'est pas bon. Donc tu peux abandonner à partir de jeudi. Tu peux abandonner à partir d'aujourd'hui. Oui. Très compliqué. Il peut avoir un couple comme ça, ils ne sont pas mariés, ils sont dans la fornication. fornication. Oui. Je connais un cas comme ça. Ils avaient déjà les grands enfants, mais ils n'étaient pas mariés. Ils sont allés, c'était des nouveaux convertis, ils sont allés à l'église. On leur a dit que puisque les enfants sont déjà là, donc je, c'est vrai que je ne suis quand même pas entrée dans les détails de ce que l'église a conseillé, mais je pense qu'on leur a dit que peut-être arrêter les relations physiques, puisqu'il y a déjà les enfants, il y a des... Ils ont déjà tellement produit qu'on nous dit maintenant que... Mais bon, je pose la question, avant de faire des enfants, ils n'étaient pas mariés. Oui, il n'était pas marié. Je ne comprends pas. Vous pensez que c'est faisable ça? Oui, il n'était pas marié, mais les enfants étaient déjà grands. Ok. Alors, ils ont vraiment pour que l'enfant entre. Justement, ils étaient dans la fornication. Maintenant, ils connaissent les encalors dans le Seigneur, comme on dit. Maintenant, le problème de fornication se pose plus qu'ils sont pas mariés. Ils n'étaient ni mariés à la mairie, ni à l'église. Oui, ni à l'église. Wow. Oui, le vieux reste, voilà. Ok. Et l'homme n'avait même pas beaucoup de moyens. Maintenant, ils connaissent le Seigneur maintenant. Ils se trouvent qu'ils sont dans la fornication. Comment on a résolu ça alors? On a résolu ça comment? Je pense qu'on leur a demandé d'arrêter les relations physiques, mais d'être ensemble et de chercher à se marier, malgré qu'il n'y avait pas les moyens. On les a dit et tout. Mais finalement, ils sont mariés. Ils se sont mariés comment? À l'église. Il a dit mairie. Ok, donc à ce temps-là, ils étaient mariés. À ce temps-là, ils étaient mariés. Ils se sont mariés après cela, non? Non, je dis qu'à ce moment-là, donc maintenant, ils pouvaient maintenant rentrer ensemble. Ils pouvaient maintenant aller maintenant dans un rapport sexuel. Oui, après le mariage. Parce que donc là, maintenant, ils sont mariés. Oui. Ok, donc ça veut dire que Sarah, Abraham et autres là-bas, ils avaient fait ces étapes-là. Ils avaient fait. Sarah, Abraham, Jacob, ils étaient à mairie à l'église et autres là, non? À cette époque-là, je ne pense pas qu'il y avait de la mairie et autres. Donc à cette époque-là, c'est sûr qu'il y avait une façon, une équivalence de la mairie. Oui, oui, ça paraît amusant. Oui. C'est ça, non? Pour qu'on dise que, puisqu'on dit que c'était la femme d'Abraham, ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait une équivalence. Oui, je vais te montrer l'équivalence, par exemple. Oui. David a envoyé ses serviteurs pour... tu connais l'histoire de Nabal, Abigaël? Oui, où il envoie... Et puis Nabal dit que c'est qui ça? Après 10 jours après, l'Éternel a fait... C'est le roi. Oui. Non, il n'était pas encore roi, à ce moment-là, il était en cavale. Et puis après, quand il est mort, qu'est-ce que David a dit à ces hommes? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. David a dit à envoyer les gens pour aller dire à Abigail, sa femme, la femme de Nabal, lui proposer de devenir sa femme. Ils ont célébré ça comment? Je ne connais pas les... Qui connaît la suite? Ok, la Bible déclare qu'elle a pris, elle est devenue sa femme. Ils ont fait comment? Donc il y a un problème de mariage ici. Il y a un problème de mariage. Il faut maintenant l'enseignement de Bible concernant le mariage. Parce que ce qu'on a dans la tête des gens, c'est que si je ne pars pas à l'église, à la mairie, c'est que vous n'êtes pas marié. C'est parce que la Bible enseigne. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. On ne dit pas à l'époque. Non, ne dis pas comme ça à l'époque. Parce que la Bible décrit tout ce qui se passe là-bas. Il faut plutôt poser la question, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la Bible ne dit pas concernant le mariage. Ça, et puis ça répond à la question. On ne suit pas les suppositions parce que tu ne peux pas rentrer à l'époque pour dire que ça se passe comment. Parce que tu ne verras pas la même chose pour les... Parce que c'est, si vous voulez aller à la mairie, maintenant pour le mariage ici, chaque personne doit aller à la mairie. Chaque personne doit aller à la mairie. À l'époque, si, voici la mairie. Là-bas dans la Bible, tu ne vois nulle part chose comme cela. Parce qu'il y avait une chose pour l'époque, alors cette même chose devait être caractéristique pour chaque mariage. C'est parce que la Bible présente, d'accord? Donc la Bible se passe là. Maintenant, ça veut dire que tu sais effectivement que c'est le péché. L'initiative de votre relation, c'est le péché. Donc il faut se séparer d'abord. D'accord? Est-ce que tu peux te séparer maintenant alors qu'on est ici? Je vais encore bien réfléchir. S'il faut faire quoi par exemple? S'il faut se séparer? S'il faut se séparer ou bien faut continuer la fornication, c'est ça? Je vais encore bien réfléchir. S'il faut que tu fuis les personnes de la jeunesse? Il faut d'abord que je dise beaucoup. Si c'est vraiment la provocation dont on parlait. Mais entre temps, je peux d'abord faire comme la sœur a dit. Non, non, laisse la sœur dire ceci. C'est-à-dire que tu vas encore aller dans la Bible pour voir si la Bible a dit que fuir l'immoralité sexuelle. Tu veux voir si ça veut dire fuir vraiment l'immoralité sexuelle quoi? Non, ça dit déjà tout. Et quand il dit fuir l'immoralité sexuelle, ça veut dire que tu dois faire quoi? Ça veut dire que je dois vraiment fuir, abandonner. Donc, est-ce que tu peux donc fuir donc maintenant, à partir de maintenant? Ou tu vas réfléchir s'il faut fuir? Le gars dit, il ne sait pas ce qu'il est envoyé ce soir-ci. Parce que la Bible déclare fuir. Quand il dit fuir, il n'a pas dit réfléchissez si vous allez fuir. tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc tu dois fuir ou tu ne veux pas fuir. Parce que si tu ne fuis pas, ça veut dire que tu as refusé de fuir. Il n'a pas donné l'option, il faut réfléchir pour fuir. Il y a une menace. Hein? Il y a une menace. On va faire comment? Il a une menace en face. On fait comment? Alors tu fuis ou tu ne fuis pas? C'est là, c'est maintenant, pas que devant, pas que tu te tournes là-bas, tu fuis. Là, tu prends la décision là. Tout le monde entend, y compris les oreilles indiscrètes. Chacun porte son fardeau, mon ami. Il faut qu'il lave cela de mes mains. Ça va quitter mes mains. Ça tombe là. Tu fuis alors maintenant ou tu ne fuis pas? Vous serez encore là demain. Pourquoi demain tu viens pour fuir? Hein, mon cher? Tu as dit tout à l'heure que tu ne savais pas. Donc, vous pouvez organiser. Quoi que voici, vous pouvez fixer chaque soir. Si vous réunissez ici pour parler de la parole, l'eau, voici ici. Avec les autres qui vont venir chaque fois ici désormais pour vous entretenir, d'accord? Mais avant ces jours-là, demain, on commence par voir. On est au niveau du fuir. Tu voulais que demain on parle, qu'on parle en privé? Oui, parce que c'est vraiment, c'est trop délicat. Délicat comment? Tu as peur de dire non maintenant? Regarde pas ici, pas comme ça. Tu fuis, tu ne fuis pas alors? Ou c'est demain que tu vas prendre la décision de fuir? Il faut d'abord que je m'entende avec la personne. Parce que pourquoi prendre la décision? Que comme tu vois là, je dois fuir le péché. C'est ça, non? Il faut que tu t'entends avec lui. Et si la personne refuse d'entendre avec toi? Non, là, je veux d'italien. Ok. Ok. Des questions ici, on va revenir maintenant sur le sabbat. Ouvre le métier que tu as ouvert tout à l'heure, tu proposes, parce qu'on va régler ça maintenant. Alors, donc, demain, je serai là, je vais t'attendre. À cause de toi, il ne rentre pas demain. Je vais t'attendre ici, d'accord? Okay. Demain soir. Oui, mon cher. Il y a encore des questions. Si il n'y a pas de questions, on touche encore le sabbat. On rentre là-dedans, le sabbat. On rentre là-dedans. Il y a encore là, tu as, vous observerez, mais. Écoutez. Vous observez mes sabbats. Oui. Et vous? Recevez mon sentier, je suis l'éternel. Vous reverrez mon sentier, je suis l'éternel. Bon, ça veut dire qu'il a un sanctuaire, n'est-ce pas? Le sanctuaire, quand tu reçois le sanctuaire, oui. C'est où ça? Quand lui disait ça dans l'Ancien Testament là, il parlait de ce sanctuaire était où? Dans sa maison. Maintenant, sa maison à Jérusalem, était à Jérusalem, n'est-ce pas? Et on a vu que Jésus a dit tout à l'heure que ça ne sera ni là-bas qu'on ne doit plus faire, pas vrai? Il dit l'heure arrive et elle est déjà venue. Il venait de décréter que c'est terminé, pas vrai? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Maintenant, ici, il dit qu'on va révéler son sanctuaire. Vous observez, mais sabbat. C'est quoi le sabbat? On a convenu que le jour du repos était quoi? Le samedi. D'accord? Parce que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Mais c'est quand même curieux avec les prêtres catholiques. Il prend le style comme ça, il dit en ce premier jour de la semaine. Il dit en ce premier jour de la semaine. Puis il dit qui est le jour du repos? C'est pas la sorcellerie. Il dit le premier jour de la semaine. Qui est le premier repos, le jour du repos? Alors que la Bible déclare que le jour du repos c'est le septième. Donc ils changent du premier, du septième au premier. Je peux répondre. Oui, non, ce n'est pas une question. Hein. Ils sont en train de donner une affirmation, c'est ce qu'ils disent. Oui, ils le disent. Mais ils disent ça, ils ont changé. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Qui a dit ça? Qui a dit que Christ est ressuscité le dimanche? Dimanche, c'est ce que l'Église catholique enseigne. C'est pour ça qu'ils disent ça. C'est pour ça qu'au lieu de sabbat maintenant, on a pris le dimanche. Bon, d'abord, Christ n'est pas d'abord ressuscité dimanche, c'est un mensonge, d'accord? C'est pour commencer, il n'est pas ressuscité dimanche, il ça c'est un. C'est une autre chose d'abord là, c'est une autre chose. Il n'est pas ressuscité dimanche, et même s'il était ressuscité dimanche, il n'y a pas un commandement que s'il est ressuscité dimanche, adorer dimanche. Mais de façon spécifique, il y a un commandement ici que j'ai fait le travail en 6 jours, et le 7e jour, je me suis reposé. Vous devrez faire ces choses le 7e jour. Comprends, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça. Regarde bien, la Bible déclare dans Marc chapitre 7, que c'est en vain qu'ils m'honorent en observant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Tu comprends cela? Donc il y a le commandement qu'on les hommes qui ont ajouté. Je prends un exemple simple. Il y a la fête des rameaux, n'est-ce pas? La fête des rameaux, tu connais ça? Hein? Oui. La fête des rameaux, ça sort d'où? Il y a ça où? La fête des rameaux, c'est quand Jésus montait à Jérusalem. En qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les gens mettaient les branchages et leurs vêtements, la traversée, ils traversaient. C'est l'origine de la fête des rameaux. Donc on appelle ça la fête de quoi? Des rameaux. Qu'est-ce que c'est que les rameaux? Les rameaux, c'est les palmiers. C'était un signe d'adoration. Hein, ok, Seigneur, ok. Donc, mais le jour que Jésus est entré, qu'est-ce qu'on mettait au sol? C'était les rameaux, les palmiers comme ça, les leurs vêtements. Tu as vu ça, tu as vu ça, il y a ça dans ta Bible. Oui, c'est dans la Bible, non? Ouvre alors. Je ne connais pas. Mais comment tu dis qu'il y a ça dans la Bible? Et que tu dis je sais qu'il y a ça dans la Bible. Il y a l'événement dans la Bible. Précis, je n'ai pas. Je vais te donner la référence. Il y a les rameaux dans la Bible ou bien il y a les vêtements et les branches d'arbres. Ouvre Matthieu chapitre 21. Ouvre Matthieu chapitre 21. Oui, comme ça on va lire. C'est ça où vous allez voir dans les commandements. Vous, les anciens, vous êtes là, non? Vous voyez? Alors on va finir, on va passer à une autre fête et puis on va s'arrêter là-bas et on continue avec le sabbat ici. Pour que vous voyez justement les commandements qui se trouvent au milieu de Matthieu chapitre 21. Tu es derrière Matthieu là? Hein? Non, toi tu dis que tu es trop petit. Il fait de vous le baffe. Même à côté de moi, il est là, il ne lit pas. Frère, tu es là-bas, Matthieu 21. Non, tu n'es même pas là-bas, tu n'es même pas dans le film. Verset combien? À partir du verset 1. Allons-y. À partir du verset 1, allons-y. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagé. Bethléem. Oui. Vers la montagne des Oliviers. Oui. Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les les moi. Laissez continuer ici. Si quelqu'un vous Non, continue ici. Allons-y, verset 10. Verset 10. Oui. Lorsqu'il entra dans Jérusalem. Donc, attends d'abord, il faut qu'on vérifie qu'il est là-bas. Tu es là-bas, mon cher. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, allons-y. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ça c'est quand il est entré dans Jérusalem. Il est entré dans ce moment-là, il est entré directement, il est allé dans le temple chasser les gens. Lis le verset 9, voir. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, oui. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, oui. Hosanna dans les cieux très haut. Oui. Verset 8 en haut. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Oui. D'autres coupaient des branches d'arbres, oui. Et enjonchaient la route. Tu appelles la fête de quoi? La fête de quoi déjà? La fête des rameaux. Où est-ce qu'il est là? Est-ce que le rameau, c'est pas le Seigneur qui a créé le rameau? Non, au lieu de prendre peut-être quelque chose qui est. Vous voyez, on se retrouve dans l'espoir. Je ne sais pas ça. Pour alléger la tâche. Alléger la tâche à Dieu. Alléger la tâche à Dieu. Pas à Dieu. À qui alors? À nous, par exemple. Tu as dit, les rameaux les assistent facilement. Ma chère, doucement, d'accord? Oui. La Bible déclare dans le psaume 119, verset 4, qu'il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dans Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6, la Bible déclare, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et qu'il ne te trouve menteur. Donc, ceux-ci, ils avaient tellement, Dieu nous aime tellement maintenant qu'on fait maintenant les rameaux pour nous alléger la tâche. Est-ce qu'il y a un commandement qu'on fait l'entrée de Jésus à Jérusalem? Y a-t-il un commandement? Vous avez vu ça dans la Bible? Non. Tu vois qu'il y a un problème ou bien il n'y a pas de problème? Ça c'est clair, ça ne peut pas être autrement. Le poisson ne peut pas approcher, l'eau même c'est glacé. Parce que je ne prends pas la Bible au mot. Oui. Je lis et je vois que peut-être les hommes essayent de s'adapter. Oui. Bon, on veut. Donc entre la Bible, entre. Pour commémorer cette. Non, attends, ça veut dire qu'on essaie de s'adapter. Donc entre trouver la Bible pour mettre au sol et le rameau, lequel est plus compliqué? Je pense que c'est la Bible qui est plus compliquée. Pour mettre au sol. Donc je ne peux pas enlever mon habit, mais je le mets au sol. Entre maintenant, si tu te demandes de trouver. Jésus, de manière physique, n'est plus là. On commémore, c'est comme un anniversaire. Donc, suis attentivement, on va y arriver, d'accord. Donc, maintenant, voici mon habit. Entre mon habit et le rameau, qu'est-ce qui est plus éloigné? Qu'est-ce qui est plus éloigné? Oui. C'est le vêtement. Qui est plus éloigné? Jésus n'est plus là de manière physique. Non, ce n'est pas le problème de Jésus. C'est pas le problème de Jésus. Le problème, c'est au niveau des rameaux, habits ou une branche d'arbre. Parce que c'est ça, parce que tu as dit que tu ne prends pas au mot parce que c'est pour alléger la tâche. Pour alléger la tête, ça se fait, on a pris ce qui est accessible. Là maintenant, accessible. Qu'est-ce qui est accessible maintenant entre nous ici là maintenant? Les branches d'arbres ou le rameau? Pour moi, c'est le rameau, les branches d'arbres. Donc ça veut dire qu'on peut facilement trouver quoi maintenant? Rameau ou branche d'arbre autour de nous ici? Il est autour de nous. Si on te dit maintenant que, ok, voici le moment de la fête. trouves le rameau ici dans notre secteur, tu trouveras quoi en premier? Les branches d'arbre. Il n'y a pas le rameau parce que ce n'est pas de manière stricte. Hein, parce que les bambiliqués, par exemple, oui, prennent souvent même parfois leur arbre de terre. C'est tolérable. Non, je... C'est une végétation. Non, je commence, donc, je recommence encore. Les rameaux là, parce qu'ici ce n'est pas précisé. Donc c'est la fête donc de quoi? Hein? C'est la fête donc de quoi? La fête des rameaux, c'est pour ça que j'ai dit que peut-être pour moi, hein, on n'a pas envie de. Parce que moi, il y a un genre de détail qui dit que. Qui pour moi? Est-ce que ça amène au salut? Est-ce qu'un genre, ce genre de débat va vraiment nous amener au salut? Non, non, attends, c'est très important. Il y a un genre de détail, ma chère, vraiment, ma chère, tu dois savoir pourquoi c'est attardé. Tu sais pourquoi? Hein? Quand Jésus était sur la terre, il y avait le débat au niveau du lavage des mains. Tu as lu ça dans les Saintes Écritures? Oui. Ok. Tu as lu le débat sur le fait qu'ils ont caché le Moïse le jour du sabbat. Il y avait ce débat là. Le jour du sabbat, on casse le maïs. On a vu tes disciples casser le maïs le jour du sabbat, ce qui n'est pas permis. Tu as lu cela, hein? Donc c'est salutaire. Parce que ça te permet de savoir qui tu sais. Tu as bien compris, non? Alors on est venu le voir, lui dire pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Ils transgressent les traditions des anciens. Ils avaient installé cette règle là et voulaient que les gens respectent ces règles. Jésus l'a dit, ok, et vous, pourquoi transgressez-vous au commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, il y a soit tu as de suivre la tradition ou bien le commandement de Dieu. Les commandements de Dieu sont de façon explicite ici dedans. Et si tu suis autre chose, autre qui n'est pas ce commandement, tu as de suivre les hommes, pas Dieu. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand les gens disaient que tu ne dois pas casser le maïs le jour du sabbat, tu dois faire ce jour du sabbat, Dieu n'a pas ordonné qu'on ne pas casser le maïs le jour du sabbat. J'arrive avec celle-ci, mais avec ces audios là qu'elle passe. Alors tu vois effectivement que Dieu a dit quelque chose, il y a des choses que Dieu n'a pas prescrit. Et ils sont en train de faire exactement comme autant que Jésus était physiquement là-bas. Ils avaient mis le lavage des coupes et ainsi de suite, ajouté, alors que Dieu n'a pas dit ça. Et Isaïe avait prophétisé cela dans Isaïe 29, verset 13, que ce peuple, c'est mon nom d'élève, mais le commandement, la crainte qu'ils ont de moi, ils font en observant les traditions d'hommes. Et Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Donc c'est important et c'est salutaire, parce que ton salut est lié à la obéissance à la parole. Si tu obéis à un homme, et pourquoi ne pas obéir à Dieu? Alors quand on dit, faites des rameaux. Un, qui l'a institué? À quoi ça sert? Est-ce que Dieu a demandé qu'on institue la fête des rameaux? Y a-t-il un de ses disciples dans la Bible? Parce qu'il a dit à ses disciples d'aller enseigner ce qu'il leur a prescrit. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien en retrancher. Donc, c'est la Bible qu'on doit observer. Donc, voici un exemple simple, comme ça je vous montre. Donc, on ne parle pas des rameaux là-dedans, mais des vêtements et de ceci. Et c'était de façon spontanée, parce que le Saint-Esprit est venu sur eux. Vous voyez, ils commencent à crier. Hosanna, au fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça s'est passé comme ça, Jésus est passé là-dedans. Maintenant, on a récupéré, maintenant, que fait des rameaux. Mais est-ce que tu sais effectivement le symbolisme des rameaux dans l'Église catholique? Tu sais à quoi ça réfère? Non. Donc, en fait, seulement, tu suis seulement. S'il y a une autre explication, je te connais pas. Voilà. C'est là où ça s'arrête pour moi. On passe avec une autre chose. Mercredi des cendres. Mercredi des cendres, tu as entendu, on parle au moins ça. Je connais. C'est à quoi ça réfère? À quoi? Qu'est-ce qu'on fait mercredi des cendres? Le mercredi des cendres, on brûle ces rameaux-là. Voilà, c'est bon. J'ai mis ça en relation pour que tu comprennes bien. Maintenant, on admet déjà, en admettant même que ce soit faux, que ce soit les rameaux qu'on a mis le jour du Seigneur, le jour de l'entrée à Jérusalem, pas vrai? Où est-ce qu'on a brûlé tout ça? Dans la Bible. Où est le problème, n'est-ce pas? Donc, on dit, voici, on fait de la rameau. On dit, c'est quoi le rameau? C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Oui, on admet, admettons que c'est ça. On brûle maintenant cela. Il y a des gens qui ont mis les choses en route, les habits. On a fait état de ça plus tard. Non. Vous voyez effectivement où est-ce qu'on en commence à introduire. Donc, une petite croyance, vous avez admis, vous commencez à vous entraîner quelque part derrière une chose que vous ne maîtrisez pas. Donc maintenant, voici mes crédits de cendres. On brûle ces cendres-là, continue. Dans la tradition catholique, on brûle, on fait quoi de cela? On met sur les visages pour marquer le premier jour du carême. Oui. Du carême. Ok, le carême c'est quoi? En d'autres langages, le jeûne. Oui, le jeûne. Le 40 jours. Est-ce qu'il y a, à partir de ce rameau-là, il y a 40 jours de jeûne quelque part qui est ordonné? Donc, il y en a. 40 jours dans la Bible. Non, non, il n'y a pas dit dans la Bible. Puisqu'on parle, le point focal, le point de départ, c'est quoi? Rameau. Après, on brûle les rameaux. On fait des signes sur le visage pour marquer le début du. Est-ce que vous avez vu ces choses dans la Bible, dans ces procédures-là? Non. Oui, alors donc, on en est d'adorer qui? Notre Dieu. Oui. Tu vois là où ça nous amène, n'est-ce pas? Il peut prendre comme ça autant là-dedans. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des choses qu'on prend de la Bible, on tord seulement comme ça pour se ressortir. Mais le problème, c'est, vous voyez effectivement que pour que vous refusez le carême, il faut que vous refusez le rameau. Ouais, cela, parce que le but c'était le rameau. Mais parce qu'on leur raconte des choses que nous on fait comme ça, la, il faut qu'on masque avec ça pour que vous entrez sous ces jougs-là sans vous en rendre compte. Mais quand les gens ne prennent pas le frein en disant que, hey, en réalité, on n'a pas ordonné cela, aucun disciple n'a jamais fait, Jésus n'a pas fait ça, on n'a même pas fait état de cela. On dit qu'ils entrent dans le carême. Ils ne savent pas que c'est une histoire de consécration. Alors, remarquez très attentivement dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens même qui ont fait le jeûne même de 40 jours pour pouvoir tuer Paul. Vous avez remarqué cela, hein? Oui. On peut continuer maintenant. Vous avez suivi maintenant, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, on a la rencontre demain. Alors, lisons le chapitre 19 dans le Lévitique, verset 31, dit encore quoi? Que vous observerez mes sabbats et vous reverrez mes sanctuaires. Je suis l'Éternel. Alors, je pose la question. Combien de sabbats y avait-il dans la Bible? Qui connaît combien de sabbats il y en a? Il y a plusieurs sabbats. Comment? Il y avait plusieurs sabbats dans la Bible. Plusieurs sabbats. Tu as entendu ce que celui-là dit? Mm-hmm. Il dit qu'il y avait plusieurs sabbats. Tu es d'accord avec lui? Voilà. En fait, c'est pour ça qu'on a mis le sabbat là-bas au pluriel. D'accord. Maintenant, écoutez très attentivement. Viens t'asseoir, mon cher. Donc, tu as compris le fait qu'on a expliqué que le septième jour, ce n'est pas dimanche, n'est-ce pas? Que c'est samedi. Donc, le septième jour, c'était samedi. C'est le Shabbat. Shabbat, le jour de repos. Maintenant, le jour de repos donc, a ses caractéristiques. Les caractéristiques de ce jour-là, il dit, vous vous reposerez de vos œuvres. Donc, c'est le jour où l'homme se repose de son œuvre de vanité sur la terre. Il doit se reposer ce jour-là. Maintenant, regarde bien. Ouvrez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres. Mm-hmm. Vous avez dit, hein? Chapitre 1. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui vas lire. Mm-hmm. Actes, chapitre 1. Tu es mon frère. Oui. Lis à partir du verset 9. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Yaoundé, bonsoir. Bonsoir. Mm-hmm. Allons-y. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Mm-hmm. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, mm-hmm. voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, mmh. reviendra de la même manière, mmh. que vous l'avez vu allant au ciel. Continue, frère. Alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Encore. Tu as lu ce qu'il a dit là. Hein? Mm-hmm. Voilà, allons-y. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, on a dû donner une distance. C'est pour ça que les mots de la Bible, chaque chose a sa position, d'accord? Donc, on dit des lieux, de cette montagne où il s'est trouvé, où Jésus a été élevé au ciel. Pour aller à Jérusalem, la distance c'est combien? Distance d'un chemin de sabbat. Un chemin de sabbat. Tu sais ce qu'on appelle un chemin de sabbat? Ou bien tu connais la distance d'un chemin de sabbat? C'est 1,1 km. C'est-à-dire que 1100 mètres. Tu entends ça? 1100 mètres. Tu as dit que la distance d'ici à Oudia c'est combien? 6 km. 6 km. 6 à 8. 6 à 8 km. Donc, ça veut dire que si on prend le minimum, 6, il fait 6 fois le chemin. Le chemin de sabbat. Ça veut dire que tu parcours 6 fois le chemin, la distance autorisée le jour du sabbat. Tu fais ce que je viens de dire. Donc, ça veut dire que quoi? Le chemin de sabbat, c'est la distance qui était permis au maximum de parcourir le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Chaque sabbat. Donc, maximum, tu vas faire quelque chose. Donc, si tu poursuis quelqu'un, il traverse 1,100 mètres. Quand il est à 111 mètres, tu t'arrêtes là-bas. Tu dis, dimanche, il t'attend. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, il y avait une distance à parcourir le jour du sabbat. Et donc, c'est pour ça que la Bible parle ici d'une distance, d'un chemin de sabbat. Le chemin qui est la distance qui était permis. On donne l'évaluation de la distance, parce qu'il n'avait pas mètre, kilomètre comme nous. Vous allez entendre parler des stades, coudées, ainsi de suite, la longueur. Donc, il évalue ici maintenant en distance d'un chemin de sabbat. Donc la distance de là où il se trouve jusqu'à Jérusalem, c'était la distance qui est permise le jour du sabbat. Donc environ 1,5 km. Et quand vous allez à Jérusalem justement, avec dans cette zone-là, vous voyez effectivement que c'est aux environs de 1,5 km. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le sabbat tel que la Bible a décrit là, il y avait des prescriptions au jour du sabbat. Quand tu passes ce jour-là, il y a un feu qu'on a allumé là-bas, à l'hôtel, il y a le feu là-bas qu'on a mis là-bas avec le pain. Là où tu passes, ça va faire le jour du sabbat là. Non. Chaque samedi. Il ne met pas ça là-bas. Hein. Là, ils ne sont pas par rapport à l'église. Il y a une autre partie. Ça, c'est d'une partie que vous êtes en train de parler du sabbat de 1 km. Il y a plusieurs parties. Ça, c'est vous êtes parti dans le Nouveau Testament. Non, non, c'est le Nouveau Testament que vous avez lu là, non. Mais dans le Nouveau Testament, on a besoin pas l'autre. On en est d'expliquer aux gens qui sont dans l'Ancien Testament ce qu'ils doivent comprendre par rapport au Nouveau Testament. Oui, c'est ça que je dis que vous êtes passé au Nouveau Testament. Nous sommes venus au Nouveau Testament. Oui. Quand vous parlez du sabbat, mais il y a aussi d'autres parties qui parlent du sabbat aussi dans le Nouveau Testament. Oui. Après cela. Bon, ce que vous venez de dire, moi, oui, j'ai compris. Mais il y a aussi d'autres versets, oui, qui parlent aussi du sabbat. Oui. Bon, il faut qu'on aille ça pour de plus mieux comprendre. Non, d'abord, écoute ma question. Oui. La question que je posais, c'est que quand tu pars, parce que tu as parcouru une distance pour aller, oui, parce que le but c'est de savoir si tu es en train d'obéir le sabbat tel qu'on a dit dans la Bible. Oui. Parce que pour pouvoir obéir quelque chose, il faut savoir ce qu'on dit, non? Oui. Je demande donc, quand vous allez là-bas dans ce lieu-là, est-ce qu'il y a le pain là-bas? Non. Mais tu sais que le jour du sabbat, on doit mettre le pain là-bas, non? Non, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Mais, qui sait ça? On dit quoi? Le pain de proposition. Le pain de proposition doit être là-bas et la lampe doit être allumée, oui, continuellement allumée. Oui. Quand tu parles là-bas, il y a les lampes là-bas à 7 canaux. Non. Mais quand tu fais ton sabbat comment? Comment tu fais ton sabbat? Là, nous sommes encore. Moi, ça, vous avez parlé de cette partie. Maintenant, il faut qu'on lit dans d'autres parties. Ok, lis alors. Bon, il y a dans Marc. Marc, oui. À partir du verset 26 jusqu'au verset. Chapitre quoi? Chapitre 2. Oui. De 26 à 20. Oui, lire. Chapitre 2, verset 26 à 28. Donc, normalement, on baisse déjà ce verset. 26 à 28. Demain, tu seras ici. Demain, c'est pas samedi, non? Non, c'est juste que là, maintenant, je ne me sens pas bien. Sens... Allons-y, mon frère. 26. Verset 26. Comment il entra dans la maison de Dieu? Oui. Du temps du souverain sacrificateur. Tu vois, elle voulait fuir la question que je lui ai posée. Elle allait prendre justement ce qu'il était en train de dire. Du temps du souverain sacrificateur à Biata, il a pris du pain de proposition qui n'était permis qu'au sacrificateur de manger. Il en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. On continue. En donnant. Je reprends, s'il vous plaît. Oui. Comment il entra dans la maison de Dieu, mm-hmm, du temps du souverain sacrificateur Abiathar, oui, et mangea les pains de proposition, oui, qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, oui, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Mm-hmm. Puis il leur dit, mm-hmm, le sabbat a été fait pour l'homme, mm-hmm, et non l'homme pour le sabbat. Amen. Ça c'est fini. Parce que si vous comprenez ce que l'on dit, j'ai pas le plaisir. Fils de l'homme est maître du sabbat. Du sabbat, oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Là, quand il parle du mercredi, il est maître du sabbat, c'est de quel jour? Le samedi, non? C'est le jour qu'on parle là-bas. Donc, il est maître du dimanche, c'est ça? Hein? Qui parle là? C'est Jésus qui parle, d'accord? Mm-hmm. Jésus en train de reprocher les pharisiens. Oui. Mais tiens, avant d'avancer là-bas au verset 28. Tu vois qu'au verset 26, il est en train de respecter ce qu'il est en train de dire ici. Oui, c'est que donc comment ça se passe? Attends d'abord doucement. Donc, dans le jour du sabbat, il y a d'abord un pain, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça veut dire que si tu fais le sabbat sans ce pain-là, c'est que tu ne fais pas le sabbat, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que le sabbat a ses règles. Dieu dit dans le livre de Deutéronome et Exode, il dit que voici les règles au sujet du sabbat. Tu vois? Oui. Voici le jour du sabbat, vous devez avoir les lampes allumées, vous devez avoir le pain de proposition. Et on a expliqué ici que David était en train de ceux qui étaient avec lui sur le soin sacrifié. Il est entré dans le temple parce qu'il avait faim. Il a pris ce pain-là qui était réservé seulement au sacrificateur. C'est pour ça que je te pose la question tout à l'heure. Est-ce que chez vous, quand tu parles, il y a le pain sur la table? Il y a? Non. Ils disent qu'ils font comme ça le sabbat. Parce que là où je suis en train de se dire, on ne se dit pas. Bon, ça c'est. Donc, c'est. On vient de construire. Oui, ça n'est même pas encore vraiment en construction. Donc c'est encore en construction. Oui. Ok, c'est quand on va finir de construire que le pont pourra entrer dedans. Non, pas question. Moi, je ne connais pas vraiment. C'est pour ça que je veux qu'on parle du sabbat parce que je ne connais pas réellement. Oui. Le mot sabbat veut dire repos. Repos. Maintenant, pourquoi on entre dans le repos? Il y a des conditions dans ce repos. Ce sont ces conditions. Laisse d'abord. Oui. C'est pas le mot sabbat qui est le problème que tu vas trouver partout. C'est le mot de ce qu'on fait ce jour-là. Il te dit, Jésus vient de dire là où tu as pris toi-même là, que il est permis à ces sacrificateurs, le pain des propositions qui sont là-bas. Le pain là doit être là-bas le jour des sabbats. Oui. Est-ce qu'il demande que là où tu pars, est-ce qu'il y a le pain des propositions? Il y a le pain, hein? Non. Non, c'est que c'est pas le sabbat qui sont des faits, n'est-ce pas? Parce que le jour du sabbat, on doit avoir le pain des propositions, d'accord? Maintenant, tu disais que la Bible déclare que Jésus a dit que Jésus, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Tu comprends ce que ça vient de lui dire? Il dit quoi? Là où il dit qu'il est maître du sabbat. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire quoi? Ici, là. Jésus doit observer le sabbat. Oui, Jésus lui-même, il observait le sabbat. Jésus qui est le modèle, il observait le sabbat. Hein? Non, pour l'autre là, il ne connaît pas. pourquoi on a voulu tuer Jésus? Quelles sont les deux choses qu'on lui a reprochées? Allons-y à haute voix. Pour que la jeune fille s'y entende. Parce que il respectait le sabbat. Et parce qu'il guérissait le jour des sabbats. Donc il respectait le sabbat, oui. Et il se faisait appeler de Dieu. Se faisant égal à Dieu. Donc voilà les deux choses pour lesquelles on a tué Jésus. Ça, je connais bien. Que quoi? C'est-à-dire quoi? Que tu connais que quoi? Que Jésus n'a pas observé le sabbat. Donc, pourquoi on parle, comme on disait, par rapport à ça, là où on a arrêté Jésus, je connais ça. Non, pas l'arrestation. C'est pas l'arrestation qui est le problème. Voici les choses qu'on lui reprochait. Oui, on lui reprochait. Les gens le haïssaient parce qu'il ne respectait pas le sabbat. Oui, parce que quand vous parlez maintenant qu'il se compare à Dieu, quand on parle du Père, donc quand on parle de la Trinité. Oui, non, laisse. Non, viens. Restons sur le. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui dit qu'il est Dieu. Laissons ça tranquille. On est sur le sabbat. Quand parce que vous avez parlé d'une comparaison, c'est là. Quand on disait que lui, il se disait qu'il est le Dieu. Non, laisse Dieu tranquille. Laisse le premier Dieu. On a dit qu'il y a un premier volet, qu'on le haïssait parce qu'il ne respecte pas le sabbat. C'est sur le sabbat qu'on est depuis. Ne rentrons pas dans Dieu, d'accord? Alors, Jésus qui a dit qu'il est maître du sabbat, lui-même ne respecte pas le sabbat. Qu'est-ce que tu en dis? Jésus qui a dit qu'il est maître du sabbat. On a lu ça, non? Jésus, et si c'est Dieu, non? Oui. Oui. Comme vous parlez, comme vous avez dit qu'on ne parle pas de Trinité, si déjà Jésus qui est Dieu, Jésus ici, comme vous dites qu'il n'observe pas le sabbat. C'est vraiment qui dit, c'est la Bible qui dit. Lui qui dit que Jésus n'observe pas le sabbat, mais Dieu a prescrit le sabbat. Donc, est-ce que c'est deux personnes? C'est une seule personne. Oui, donc Dieu désobéit au sabbat lui-même. Non, ça que c'est la question que je veux poser. Là où moi je veux venir. Donc Dieu lui-même désobéit à son sabbat, qu'il a prescrit, non? Oui. Parce que c'est la même personne, non? Oui. Alors, est-ce qu'il a désobéi ou il n'a pas désobéi? Puisque la Bible déclare qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Et la Bible déclare qu'il y a 6 jours dans Luc chapitre 13. Il dit qu'il y a 6 jours pour se faire guérir, pour se faire venir, venez vous faire guérir en ces jours-là. Donc ne faites pas ça le jour du sabbat. Et les jours de haïssaient parce qu'il faisait ses miracles pendant le jour du sabbat. Dans Jean chapitre 5, le monsieur qu'il a trouvé, il était allaité depuis 38 ans au bord de la piscine. C'est le jour du sabbat. Il a dit que lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. On lui a dit que les gens l'ont rencontré, il n'était pas permis le jour du sabbat de porter ton lit. Il dit que mais celui qui m'a guéri m'a dit que prends ton lit et mange. Donc il a continué. Donc jusqu'à pousser même les gens à ne pas oublier le sabbat. C'est ce que la Bible dit. Dans la Bible, alors fort. Et non, je ne sais pas qu'ils sont de fond. Oui. Bon, est-ce que lorsque ce qui a été écrit, c'est dans ceux qui ont écrit cela, ces gens qui étaient inspirés par Dieu. Oui. Est-ce que ceux qui étaient inspirés par Dieu ont écrit ce que lui. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu voulait. Ou bien c'était une fausse chose qu'ils ont écrite alors. Oui, non, c'est pas le problème. Le problème, c'est que, n'est-ce pas? Il faut que tu comprennes ce que la Bible appelle par sabbat. Comprendre le pourquoi ça a été donné et comprendre à quoi ça correspond, d'accord? Tu comprends? Donc, alors, si demain on va revenir sur ça en plus, de plus profondément, prenons des questions là-bas, on finit avec les questions parce que j'ai quelque chose à finir ici. Une deuxième partie, c'est à finir. Mes frères sont fatigués ici, là, comme ça, mais regarde. Vous avez encore des questions? Donc, celui-ci a dit qu'il faut qu'il parle s'entendre avec la femme à qui il va fuir. Oui, et toi, il n'y a plus de questions? Il y a des questions, mon cher? Oui, pourquoi Pourquoi il n'avait pas de mère? Quelle mère? Parce que je suis catholique. Oui. je sais que Jésus, sa mère, c'était Marie. Oui. Mais il a remarqué quelque chose que chez vous, Jésus n'avait pas de... Chez nous, tu es venu chez moi, hein? Non, dans la parole. Oui. Attends, mais voici ma Bible ici. C'est pas la même Bible que tu as, hein? Oui. Jésus a été enfanté par qui? Mais moi, il y a une chose que j'ai remarqué. Oui. Bon, la sainte Bible. Oui. Et chez les catholiques. Oui. Les Bibles ne sont pas... Ça, c'est de... Tu en dois aller dans un autre volet. Laissons sur Marie et Jésus. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux dire que chez nous, il n'y a pas Marie, il n'y a pas Jésus. Ça veut dire quoi? Dans la sainte Bible ici, là, oui. On ne parle pas de Marie. On parle d'elle partout là-bas. Il ne veut pas là dire que... Non, laisse-le tranquille. Tu as ta part, tu vas fuir demain. Laisse-le dire sa part. Tu es maintenant faut que sa voix soit plus fort parce qu'il me dit. Oui. Parce que le son qu'on a eu à lui, là, il n'est pas lu, là, on a mis Marie. Ouvre alors Luc chapitre 2. Ouvre là-bas. Donc, il croit que c'est les catholiques qui disent les choses là. Mmh. Courage, hein. Oh, aidez-le à trouver Luc pour qu'on puisse continuer. Sinon, vous allez se quitter vers 22h. En tout cas, moi, je dors ici. C'est vous qui venez de loin. Si vous voulez, on passe toute la nuit à parler. Et peut-être entre vous, vous avez le travail demain. C'est vous qui avez le vrai problème. Luc chapitre 2, tu y es. Lis à partir du verset. Prenons à partir du verset 25. Lis à haute voix alors. Si tu es avec le lit, mon cher. À partir du verset 25, lis. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Mmh. Cet homme était juste et pieux. Oui. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti. Averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Le Christ du Seigneur. Oui, continue. Il vient poussé par le Saint-Esprit. Au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et maintenant Seigneur. Et dit, maintenant Seigneur. Tu as sauté là. Hein? Ah oui, oui. Et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mmh. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui. Continue, jusqu'à ce que tu dis stop. Comment tu dis que tu t'arrêtes? Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Oui. Son père et sa mère étaient dans l'administration. Dans l'admiration. Admiration. L'admiration des choses qu'on disait de lui. Oui. Siméon le bénit et dit à Marie. Stop. Et dit à qui? À Marie. Tu vois que chez nous, il y a Jésus, il y a Marie, non? Oui. Il y a même Joseph, n'est-ce pas? Quand il a lu Marie maintenant, il a un peu dit que hey, je disais il y a Marie. Marie sa mère. Marie, tu as vu non? Oui, Marie sa mère. Ah, donc finalement, tu vois que dans notre Sainte Bible, il y a Jésus, il y a Marie, il y a Joseph, non? Est-ce qu'il y a un problème alors maintenant? Bon, si je parlais de ça, c'est vrai, je ne disais pas trop la Bible. Tu vois qu'il faut lire maintenant désormais la Bible, non? Oui. Ah, j'ai pensé à autre chose dans ma tête. En fait, la question que vous voulez savoir, pourquoi on ne prie pas Marie comme les catholiques le font? Oui, il n'y a pas trop de... Depuis quand tu as dit que quand tu étais petit tout à l'heure, tu as dit que ton père t'entraînait. Pourquoi tu as aussi abandonné Marie alors? Non, je n'ai jamais abandonné. Tu n'as pas abandonné Marie. Tu sais prier, je vous salue Marie. Hein? Tu le salues, tu la salues pourquoi? Bon, c'est une prière qui est depuis l'enfance. Tu vois? Quand tu pries, c'est depuis l'enfance que ça prie. Donc, on rejette le temps sur l'enfance. Donc, quand tu pries, supposons que tu vas aller au travail, tu veux prier pour qu'on te protège, tu dis, je vous salue Marie. Non. Tu veux comment? Non, ça dépend de quelle prière tu veux faire pour parler de Marie. Oui. Bon, par exemple, je peux me lever le matin. Je remercie l'Éternel. Mm-hmm. Mais, ça dépend de quel sujet je peux prononcer le nom de Marie. Oui. Bon, tu, Tu pries pour qu'elle fasse quoi? Faut bien, suivre, on fait comme ça. Tu dis que tu fais quoi si je prie? Oui. Par exemple, quand je prie le matin, oui. Le soir, oui. Quand je remercie l'Éternel de m'envoyer pour l'éternité, oui, dans toute la journée. Oui. Écoutez bien, écoutez, soyez attentif ici, même si la maladie fait l'accident là-bas. Oui. L'Éternel de m'envoyer pour l'éternité, oui, de m'envoyer chez moi, oui, pour ma famille, tout. Oui. Ah, peut-être là, je parle déjà avec les chrétiens. Maintenant, quand je vais prier, oui, je peux commencer peut-être par. Je commence par. Je crois en Dieu. Oui. Le Père Tout-Puissant. Oui. Quand tu fais tout cela, tu dis ça à qui? Tu es seul chez toi. Tu dis, je crois en Dieu, au Père Tout-Puissant, créateur de ciel et de terre. Tu viens de dire ça à qui? Au Tout-Puissant. C'est à lui que tu dis ça. Tu dis, je crois en Dieu, créateur de Tout-Puissant. Que Dieu et ainsi de suite. C'est à lui que tu dis. Que tu fais le credo. Là, je parle. Bon, là, je suis avec. Je suis en train de parler à Dieu. Oui, tu parles. Là, tu parles à Dieu que tu crois en Dieu. Le créateur de tout puissant. Ça, c'est la prière que tu as envie de faire le matin pour sortir. Continue, mon cher, continue. Non, je parle, exemple, de vous dire, par exemple, ce que je peux faire. Oui. Bon, ça dépend. Il y a plus, après, ça va faire le long. Il y a plusieurs prières que je peux faire peut-être le soir comme le matin. C'est le mari, c'est pour Marie qui m'intéresse beaucoup. Ah. Quand tu vas finir là, comment tu fais pour la transition pour Marie? Non, moi je prends toujours la Vierge Marie comme je pourrais dire toujours aussi au Seigneur. Mm-hmm. Bon, que peut-être je peux parler à la Vierge Marie dans ma prière. Oui, pour qu'elle fasse quoi par exemple? Pour qu'elle peut porter ma prière au cœur de son fils. Donc en tout cas, quand tu as d'abord prié, on n'a pas entendu. Non. C'est-à-dire, non, attention, le but ici c'est pour vous compreniez la vérité. Oui. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez gobées comme ça depuis l'enfance. Mm-hmm. Voilà la Bible au devant de toi. C'est la Bible de qui ça? C'est pour ça que je disais que moi je veux connaître la vérité. Amen. Amen. Moi dans ma tête, c'est je veux connaître la vérité. Oui. D'où vient la vérité? Bon, il ne peut pas dire qu'il y a le mensonge. Oui. Tu ne peux pas dire qu'il y a le mensonge? Non, il ne peut pas dire qu'il y a le mensonge. Si je ne peux pas dire qu'il y a le mensonge, c'est que je ne peux pas dire qu'il y a la vérité. Parce que non, la vérité, c'est le contraste d'amour. C'est que je veux la vérité. Ok. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Sacré journée, n'est-ce pas? Jean chapitre 14. Vous avez, ça y est déjà? Lis le verset 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vois chapitre 15, tu lis le verset 7, chapitre 15 maintenant. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Continue. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ouvre rapidement là, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Philippiens chapitre 4. Elle, pardon, elle, la femme là, elle a cherché fatiguée, elle n'a pas pu l'ouvrir. Philippiens chapitre 4. C'est pas là-bas, mamie. C'est pas là-bas. Laisse, on lit là-bas, tu entends, d'accord? Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Allons-y. Verset 6 et 7. Écoutez bien. Allons-y. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est bon. Maintenant, depuis ce qu'on a été lu là, parce que sinon, pour le temps, on devait faire encore davantage de versets. Quand Jésus a demandé que si on veut prier, on fait comment? Si on a besoin de quelque chose, on fait comment? Dans Jean chapitre 13, on a d'abord lu chapitre 14, verset 13. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ce qu'on a lu, non? Au chapitre 15, verset 16, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Et si la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, je fais connaître vos besoins à Marie. Et elle a transporté cela devant le Père. Tu as vu, non? Amen. Pardon, qu'est-ce que c'est ce que j'ai lu? Tu as vu le problème, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé justement, c'est justement ce qu'on vous explique des choses, vous acceptez des choses qui ne sont pas vraies. Tu as vu, tu as lu quelque chose et tu dis autre chose que tu n'as pas lu. J'ai dit Amen, pour voir. Tu as dit Amen. Maintenant, relis encore le verset 6. Quel chapitre? Chapitre 4 que tu es là. Allons-y encore. Chapitre 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières. Stop. Et... Donc, quand tu n'as rien, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as n'importe quel besoin. Tu dois le faire connaître à qui? À Dieu. Tu as dit que tu fais connaître tes besoins à qui pour qu'il puisse t'en transporter? À la Vierge. Ok, maintenant, entre toi à la Vierge. Oui, vas-y, mon frère. Non, si je dis à la Vierge, oui. C'est ce que je dis à mon frère, c'est ça qui me fait. Bon, attends, maintenant, sur cette base-là, tu as raison de lui soumettre ou bien tu n'as pas raison? À Dieu? Non, il dit que quand tu as tes besoins, oui. tu soumets à qui? Tu dis à la Vierge. Oui. Dieu a mis les règles ici que pour soumettre ses besoins, il faut dire à qui? Ici dans la Bible. Dans la Bible, oui. Non, il a dit, ne vous souciez de rien. Oui. Si vous avez des besoins, faites connaître à qui? À qui? Tu as dit que tu voulais la vérité, non? Oui. Bon, quand tu as le besoin, la Bible dit, voici ses règles. Pour pouvoir soumettre des besoins, soumets à qui? À qui? Toi, tu soumets à qui? Bon, à Marie. Pourquoi? Timothée, chapitre 2, rapidement. 1 Timothée, chapitre 2. C'est vrai que vous dites que c'est pas. C'est une équipe dès l'enfance. Dès l'enfance. Tu vois que le problème, c'est que c'est parce que vous ne lisez pas la Bible, non? Tu as deux choses à faire. Première chose, oublie tout ce que tu as eu comme enfance à gober. Maintenant, ou bien encore, tu prends ces choses que tu connais, de l'Église catholique, tout ce qu'on vous a appris. Maintenant, tu peux maintenant vérifier toi-même auprès de la Bible pour voir si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, chaque fois, bah, tu mets faux là-bas, tu continues. Et tu prends maintenant ce que la Bible dit. Parce que dans ton intention, tu as pour intention d'invoquer Dieu. Mais tu passes par un chemin que lui n'a pas tracé. Tu vois cela? Et tu espères que c'est lui qui répond. Pourtant, il a dit, voici le chemin. C'est un peu comme Christ dit que passe comme ça pour arriver. Tu dis, non, moi, je peux passer par comme ça pour arriver là-bas. Comme si tu connaissais mieux que lui, pas vrai? Maintenant, ça veut dire que ce que tu vas faire, c'est que, d'abord, première chose, oublie tout ce que tu as fait. Tu vérifies tout. Si les catholiques faisaient cela, en disant que si je ne vois pas quelque chose dans la Bible, je ne crois pas, ils vont aller loin. S'ils font ça, ils vont aller loin. Mais ils commencent à dire que non, moi, ce sont les hommes. Or, souvenez-vous, le homme, dans son intention, il dit, j'aime Christ. Et Jésus lui dit, observez ce que j'ai, vous ai prescrit. Donc, en tout cas, il veut servir Christ, mais pas comme Christ veut. C'est ça le vrai problème. Vous avez compris le problème. Alors, Dieu dit, Jésus, en quittant la terre, a donné les ordres à ses disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est ce que Jésus a prescrit qu'on doit observer et qu'on doit vous enseigner. Alors, maintenant, si vous dites n'importe quoi, à quoi vous devez croire, posez-vous la question. Ne dites pas que non, chez nous, l'église. Jésus n'a pas dit, chez nous, chez l'église, chez les protestants, il n'a pas dit ça. Enseignez à observer ce que je vous ai prescrit. Alors, la question, c'est ce que tu me dis là, Christ a-t-il prescrit ça? Si c'est oui, tu dois observer. Si c'est non, tu mets ça de côté, même si c'est n'importe qui dit. Parce que cette personne, ne viendra pas te défendre devant Dieu. Tu comprends cela? Il ne viendra pas. Parce que si on met le poison, là, on dit que bois. Tu vas dire que mon ami est prêtre. Il était d'accord avec toi, mais c'est ça, il ne boit pas. Or, ici, il te donne un poison qui te prend en poison, non seulement son corps, mais ton âme. Ton futur est biaisé. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu vérifies si ce qu'on a été dit est dans la Bible. D'accord, mon cher? Verset 5 du chapitre 2 de 1 Timothée. Montre-lui rapidement, il me lit. Le but du commandement. Non, verset 5 du chapitre 2. Il est au chapitre 1, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un soumission. Non, un seul médiateur. Il a commencé à lire, mais il a sauté à un autre verset. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Lève-toi, mon cher. Lève-toi. Frère, lève-toi. Lève-toi aussi. Bon, le frère, s'il va s'asseoir, lui, il va s'asseoir. Celui qui est là, le frère, il va s'asseoir comme Dieu, d'accord? Mais frère, tiens-toi ici au milieu. moi. Tiens-toi ici. Toi et nous tous ici, nous sommes les hommes. D'accord. Lui, il joue le rôle de Jésus. Lui, il joue le rôle de Dieu. On dissocie comme ça pour qu'on puisse saisir, d'accord. Maintenant, nous les hommes, nous avons des problèmes. Le verset que tu nous as lu a dit qu'il y a un seul qui? Un seul Dieu. Où est-ce qu'il est? Dans cette image-ci, il est où? Le voilà là-bas. On dit, il dit, il y a un seul Dieu. Voici un seul Dieu. D'accord. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous voici les hommes. On dit qu'il est qui? Jésus-Christ, homme. D'accord. Et le verset dit, il y a un seul Dieu. Le voilà. Et un seul médiateur. Le voici. Un médiateur, c'est celui qui vient pour résoudre des conflits. D'accord. Ça veut dire que Dieu et les hommes avaient un problème, un conflit. D'accord. Il joue le rôle de médiateur. Quand le Cameroun avait le problème avec le Bakassi, l'ONU jouait le rôle de médiateur. Il vient, on envoie des émissaires au Cameroun, venez dire au président que telle chose, donnez les documents, telle chose. Après, on va au Nigeria, on dit telle chose, telle chose, telle chose, pour trouver un terrain d'entente. Celui-ci, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. D'accord. Donc celui-ci, celui qui a réconcilié le monde avec Dieu. D'accord. Maintenant, ça veut dire que, et Jésus Christ dit que nul ne peut aller au Père que par lui. Pas vrai? Toi, tu dis que tu peux aller par qui? Maman Marie, lève-toi un peu, voir. Lève-toi. On va prendre ça comme Maman Marie, d'accord? Tiens-toi ici. Maman Marie, elle est loin là-bas. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, c'est ce qui est écrit, non? Nul ne veut au Père que par... Récite ma Sainte Marie, voilà, allons-y. Récite comme tu récites, ou même ça tu as oublié. Vierge Marie. Oui, récite-nous ce que tu récites souvent là, on va voir. Salut Marie. Oui. Fais là, regardant. Hein. Je vous salue. Oui. Je vous salue Marie. Oui. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Donc Dieu, tu l'informes que le Seigneur est avec lui. Nous voilà par là-bas. Oui, continue. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Oui. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Stop. Donc, dans cette prière-là, qu'est-ce que tu réclames de celle-ci? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Donc ça veut dire que quand Marie va entendre ça, elle va faire comment? Elle va prier. Elle prie qui? Elle prie Dieu, non? Oui. Donc, elle prie Dieu en disant que, oh Dieu, parce que tu as dit que prie pour nous, pauvres pécheurs. Oh Dieu, je prie pour le pauvre pécheur qui est là-bas. Dieu prie pour. Dans ce cas, Marie prend le rôle de qui? De Jésus. Donc elle est médiatrice. Vous avez vu là où il y a le problème, frère? Oui, ici, c'est le rôle d'un médiateur. Parce que la Bible déclare que Christ est allé au ciel et il intercède pour nous. Amen. Tu vois, oh, quand il est sur la terre, il dit que quoi? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur. Il y a un seul médiateur, il n'y en a pas deux. On a dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. On a donné son nom, Jésus-Christ, homme. Donc la médiation est passée par lui. Jésus-Christ, quand il était homme sur la terre. Tu vois cela? Et sur la terre, il a dit que pour avoir accès au Père, c'est par lui. Vous demandez n'importe quoi en mon nom, je le ferai. Et là, est-ce qu'il y a Marie là mentionné là-dedans? Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Donc, il faut corriger la prière. Maintenant, ouvrez Jacques chapitre 4, on va lire quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez lire avec cette copie là. Vous ferez mieux de m'arrêter à un moment donné, parce que si ce n'est que on va conduire jusqu'au matin. Oh. Ça ne vous dérange pas, non? Mm-hmm. Il y a le frère Cyril qui dit que c'est parce que tu ne travailles pas. Jacques chapitre 4. Regardez bien. Merci. À partir du verset 1. D'où viennent les luttes? Oui, écoutez, vous ne pouvez même pas lire. Écoutez, regarde, il est dans l'Ancien Testament, il ne pourra jamais trouver assez de dîmes là. Écoute ici, Jacques chapitre 4. Allons-y. D'où viennent les luttes? Ouais, c'est bon quand il voit aussi. Oui, c'est vrai. Aide de l'eau long. Merci frère, comme tu le fais là. Il faut, parce que quand on lit, il faut que vous voyez. Quand vous voyez, c'est autre chose. Jacques chapitre 4. Tu y es, c'est bon là. C'est bon. Ok, c'est bon. Allons-y. D'où viennent les luttes? Il y est déjà. Non, pas encore. Dans la page là-bas, il y a la même. C'est la même Bible. Vous pouvez avoir la page là-bas. C'est la même. Non, c'est pas la même Bible. C'est fort là-bas chez eux là. Chapitre 4 de Jacques. Oui, c'est ça. Éteins, frère, éteins le temps que ça. Allons-y maintenant. Écoutez ici. Suivez là-bas. Non, montre-lui la torche pour qu'il voie bien. Allons-y. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux et vous ne pouvez point obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Stop. Dans le but de satisfaire vos passions. Stop. C'est le mot demander mal. Donc vous pouvez vouloir prier. Tu peux vouloir prier. La prière ne consiste pas en multipliant les mots, en disant les choses, en appelant les saints. C'est pas ça. Il faut prier selon la règle. D'accord? Parce que si Dieu a dit, quand Dieu a institué la façon dont on va faire, on doit faire tel qu'il a dit. Donc tu vois que tu mélanges, je vous salue Marie, avec le Notre Père, un Notre Père, après tu intercales, je crois en Dieu sur ça. Tu crois qu'en faisant cela, comme Dieu dit, Jésus dit en Matthieu chapitre 6, et il croit qu'en faisant, en multipliant ces 20 paroles-là, ils seront exaucés. Tu vois? Donc il faut prier la prière telle que Dieu l'a dit. Si tu mélanges n'importe quoi dedans, tu n'es plus en train de prier Dieu. D'accord mon cher? Alors, on peut prier en demandant tout n'importe quoi, en demandant mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger maintenant la prière des hommes. La règle de la prière, c'est que tu pries, tu demandes au Père au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est pas le mérite. Au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire que c'est pas le mérite. C'est à cause du fait que Jésus soit venu pour nous rendre la possibilité d'avoir accès à Dieu. C'est à cause de ça qu'on dit en son nom. D'accord? Marie n'est pas une co-rédemptrice. Elle n'est pas avocate. Elle n'est pas la mère de Dieu. Elle n'est pas participante. Elle n'est pas la mère de l'Église. D'accord, mon cher? Voilà. Donc, la foi et le salut, c'est en Christ Jésus. Tout à l'heure, tu as lu dans Luc chapitre 2. Quand on a porté Jésus entre les mains, le prophète là a dit, il s'est tourné, il a dit que cet enfant, si, il dit que mes yeux ont vu le salut. C'est lui le salut. Il n'a pas dit que mes yeux ont vu les saluts. Sa maman était de ce côté-ci, et il était de ce côté. Il dit que voici la promesse qu'il m'avait donnée. Salut que tu destines pour le monde. Tu vois là, gloire d'Israël, lumière pour le monde. Il n'a pas dit lumière, lumière n'a pas S. C'est lui dont c'est la question, il n'est pas question de sa maman. Et la Bible dit que quand ses parents étaient, entendaient aussi, du mari dont tu parles, ses parents étaient dans l'admiration sur ce qu'il entendait de cet enfant-là. Marie, elle-même, quand on a annoncé ces choses, Marie a dit que d'où vient-il que mon Seigneur est devenu sur moi? Il a appelé Jésus comme son sauveur. D'accord? Il dit que son âme exacte de joie, de Dieu qui est son sauveur. Donc Dieu est le sauveur de Marie. D'accord mon frère, c'est pas elle qui a enfanté Dieu, parce qu'avant que Dieu, Marie ne naisse sans sa mère, Dieu était là. C'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de l'enfant Jésus, pas sans être la mère de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus ne l'a jamais appelé maman, il l'a appelé femme. D'accord? Il n'a pas appelé mère, il l'a appelé femme. Toi tu vas appeler ta mère femme. Donc, faisons attention, d'accord? Faisons attention. Satan a fait le temps que on ship l'adoration qui est destinée pour le Seigneur en la plaçant dans les divinités. Oui. Préparez Luc chapitre 11. Oui. Luc 1. Oui. À partir de... C'est l'annonciation, n'est-ce pas? Oui. Et on le voit, il la voit venir. Bon, on va passer au verset 25. 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Oui. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon effort. Ça, c'est Elisabeth là. Non, ça, c'est. Non, continue. Non, continue seulement. C'est loin. Oui. Je préfère prendre. Ah oui. La parole de l'ange à partir du verset 36 là. Oui. Voici Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Ça, c'est. Attends. Tu es dans Luc là, chapitre 1, verset 36. Donc, il faut qu'il soit au courant de cela. Donc, elle veut parler de l'annonciation. Chapitre 1, verset 36 et suivant, Luc. Faut qu'il voie. Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Fatigué. Qui était stérile et dans son sixième mois. Elle est dans son sixième mois. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Oui. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Oui. Attends, pendant que tu continues, Marie dit là qu'elle est quoi ? La servante du Seigneur. Maintenant, on considère comme quoi? Attendez que je finisse. Oui, oui, non, je m'adresse à celui-ci. Oui, je voulais finir. Ok. Je voulais en finir avec. Parce que quand vous bombardez là. Poser trop de questions, ça fait que quelqu'un perd un peu. Ok, ok, ok. Donc, il faut un peu essayer de relâcher pour que quelqu'un aussi autant peut-être de réfléchir. De stabiliser, oui. Vous, c'est comme si vous acculez un peu. Oui, ça va. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, Seigneur avec grand S, vienne auprès de moi ?» C'est ce que c'est le détail que je veux. La mère de mon Seigneur. Et amen. Seigneur là, c'est pas Dieu. On y va maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. C'est juste. On va commencer. On va commencer maintenant. Je veux que tu me récites l'Ave Marie. Allons-y encore. C'est les paroles de l'ange, c'est dans la Bible. Non, il n'y a pas de problème. Je veux que tu me récites. C'est quand on a saint de catholique. Je veux que vous prêtez attention. C'est elle qui a fait comment qu'on a vu le bon. L'Ave Marie, je vais vous expliquer. Du début à les paroles. Non, n'explique pas. Je n'ai pas besoin, je vais vous dire. Attendez, je vais vous dire comment. Non, regarde ma chère. Attendez, ma chère. Je vous explique un truc. Ma chère, attends d'abord. Attends, ma chère. Si vous voulez même, je peux réciter après, mais je veux vous expliquer explique ce qu'il en est. Mm-hmm. Le je vous salue Marie, c'est-à-dire l'Ave Maria, comme vous appelez. Oui. Au départ, je vous salue Marie, c'est les paroles de l'ange. Ensuite, c'est les paroles d'Elisabeth. Et vers la fin, Sainte Marie priait pour nous. C'est l'Église catholique qui a ajouté ça. C'est bon. Maintenant, récitons l'Ave Maria. Je n'ai pas besoin de réciter parce que c'est dans la Bible. Non, je dis, hein. Récite. Tu vas savoir pourquoi. Non, je ne récite pas. Allons-y. Lève. Tu sais ça. Tu connais ça. Hein? Tu as promis de réciter. Non. Elle a dit qu'elle va finir de m'expliquer ce qu'elle va réciter. Elle a expliqué, elle n'a pas récité. Donc, elle n'est pas honnête. Allons-y, je veux vous montrer quelque chose pour que vous voyez ce qu'il en est avec la Bible. C'est pour ça qu'il dit qu'elle récite. Parce qu'en réalité, ce qu'il dit, c'est pas ce que la Bible dit. C'est bien comme c'est elle qui est venue là-bas. Allons-y, récite-nous. Suis, allons-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Stop. On a dit là-bas qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Oui, Élisabeth le dit. Cindy, lis-nous cela. Puisqu'on dit qu'elle est... Non, lis là-bas, lis. Oui, Non, attends, tu as dit que tu as dit oui, lis donc. Oui, lis alors ma chère, lis. Non, vous n'acculez pas, c'est une causerie. Oui ma chère, lis. Allons-y, lis. Quand Elisabeth est remplie du Saint-Esprit là. Oui, c'est la Bible qui dit comment vous parlez comme si... Non, non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher, ma sœur, regarde, ne prends pas comme un problème. Je suis en train de chercher l'endroit. Je suis en train de dire que va à partir de l'endroit où elle est remplie du Saint-Esprit. C'est là-bas que je suis en train de dire. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni. Comment me dit pour que la mère de moi. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Stop. Non, doucement. Qu'est-ce que Élisabeth a dit? Tu es bénie entre les femmes. L'Ave Maria, dis-nous encore ça. Tu es bénie entre toutes les femmes. C'est ce qu'Élisabeth a dit. Mais vous trouvez vraiment une différence entre ça. Frère, vous trouvez une différence entre tu es béni entre les femmes, entre toutes les femmes. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Tu ne vois pas la différence? Toi, tu ne vois pas la différence? Moi, je ne vois pas une différence qui puisse vraiment influencer de manière. Okay. Ce que moi je voulais relever, c'est que vous dites que la Marie n'est pas la mère de Dieu. J'ai dit alors qu'ici, que pourquoi? Elle est sous l'onction du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Elle dit comment la mère de mon Seigneur avec grand S. J'arrive là-bas, et d'accord. Je suis en train d'arriver au niveau de là. On commence par le début. Maintenant, toi, tu as dit quoi? Qu'il y a une différence entre toutes les femmes et entre. Les femmes. Tu es béni entre les femmes. Il y a différence. Quelle est la différence? Parce que là, là-bas, on dit toutes les femmes. Oui, que Marie est bénie. Par contre, Elisabeth, elle a parlé des femmes. Mm-hmm. Pas toutes les femmes. Parce qu'il y a femmes et femmes. Maintenant, si on prend que Marie est bénie entre toutes les femmes, on a dû lui donner quelle particularité? La supériorité de toutes les femmes. Pourtant, c'est parce que le Saint-Esprit a dit. Souvenons-nous encore une fois que c'est même pas Elisabeth qui a parlé. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'Elisabeth n'était même pas au courant qu'elle était enceinte. N'est-ce pas? Elisabeth n'était pas au courant. C'est l'ange qui a donné le renseignement à Marie que ta parente est enceinte. Elle a quitté pour aller là-bas vers elle. Dès que Marie a dit bonsoir, par exemple. C'est là où subitement que le Saint-Esprit est tombé sur elle, a commencé à parler. Elle n'était pas au courant. Comment vous dites qu'Elisabeth n'était pas. Peut-être c'est un lapsus. Non, je n'ai pas un lapsus. Vous m'avez dit qu'Elisabeth ne savait pas qu'elle est enceinte. Elisabeth ne savait pas qu'elle est enceinte. Elisabeth qui est enceinte. Elisabeth ne sait pas que Marie est enceinte. Marie ne sait pas qu'Elisabeth est enceinte. Hein? L'ange est venu chez elle. Ah, donner le renseignement que voici ta parente. Donc, quand Marie arrive chez Elisabeth, elle ne sait pas que Marie est enceinte. C'est pas ça, j'ai pas fait de lapsus, c'est pas vrai? Voilà. Donc, c'est vrai qu'on dit que quand il dit la mère de mon Seigneur, elle est en train d'appeler Jésus qui est dans le sein de Marie, alors que Elisabeth, dans la forme humaine, ne connaît pas ça l'enseignement. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. D'accord? J'arrive au niveau du Seigneur. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc, alors, première chose, la récitation Marielle, c'est parce que la Bible déclare. Si vous voulez prendre thème après thème, que je vous salue, Marie, l'ange n'a jamais dit je vous salue. Il y a ça là-bas. Hein? Allons-y encore. La prière, on commence par quoi? Je vous salue, Marie. La salutation aussi, c'est quoi? Quand l'ange, lui, il est venu maintenant. Tu as commencé verset 35. Verset 35. Regarde encore. Là, c'est. Oui. Là, ça, c'est la rencontre de l'ange avec Marie. Première parole qui sort de sa bouche. C'est pas le verset. Il remonte alors. Au sixième mois, l'ange fut envoyé dans une maison d'une vierge en Israël appelée de la maison de David. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Stop. Allons-y encore, regarde bien ici. Allons-y, chez vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Stop. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Pour moi, c'est un léger détail. Ce n'est vraiment pas. On a seulement essayé de reconstituer une prière, quelque chose. D'abord, ce n'est pas une prière. Tu sais quoi? Regarde, ma chère, je veux que tu me fixes dans les yeux pour que tu comprennes. Ma chère, Jésus a dit qu'il ne sera pas ôté un seul iota. Il a dit qu'il ne doit pas bouger. Il a dit que le soleil peut passer. Le ciel peut passer, mais un seul iota ne doit pas tomber. Tu as vu? Maintenant, regarde bien la chose. C'est pour ça qu'elle dit que si elle monte depuis le début, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Mais je vais avancer d'abord au nom de Jésus. Vous dites, je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc, Marie est pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, c'est normal que les gens vont vers elle pour recevoir des grâces. Marie n'a jamais été pleine de grâce. Ici, la grâce lui a été faite. À elle. Ce n'est pas elle qui est pleine. Qui est pleine de grâce, voilà. Parce qu'elle a porté la grâce de Ce n'est pas pour cela. Quand l'ange a de lui parler, maintenant, elle n'est pas enceinte. C'est la parole qui va amener l'enfant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec oui. ça. Oui. Une grâce a été faite. Voilà. Maintenant, la Bible déclare dans Romains chapitre 12 que à chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon le don de chacun. Comment? Il dit là, la grâce n'est pas pour toutes les femmes. Suis attentivement. Il y a la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la grâce pour avoir le don de guérison. La grâce, l'autre qui a la grâce pour avoir le prophétie. La grâce pour avoir le salut. La grâce pour Marie, sa grâce. L'enfant Jésus. Que nous les femmes accouchons aussi l'enfant Dieu en voit. Que celui qui a la. Que Marie aussi guérit une autre personne aussi, on voit. Accouchons aussi les enfants. Tu vois que. Donc la Bible enseigne donc que chacun de nous a reçu une grâce selon le don de Dieu. Maintenant, le dangereux là-bas, c'est qu'on dit que Marie est pleine de grâce. Est-ce que la Bible a dit qu'elle est pleine de grâce? Il y a un endroit où on a dit ça. Hein? Alors, regardez bien. Marie, je vous salue Marie. Le plus grave, c'est qu'on dit que c'est ce que l'ange a dit. Donc c'est un mensonge. Ce qu'elle a, c'est que quand il faisait la recherche sur ça, je croyais que peut-être que les catholiques ont changé. Je suis allé prendre la Bible catholique, la version Jérusalem et la version Top pour voir peut-être qu'ils ont écrit. Or, même à l'intérieur, il n'y a pas je vous salue Marie. Il n'y a pas vous êtes Dieu est pleine de grâce. Je vois, il n'y a pas ça même dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit tel que vous voyez là. Toi à qui une grâce a été faite. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc Dieu m'a permis que je puisse avoir comme ça. Donc maintenant qu'on dit que tu es pleine de grâce, c'est pour ça que la récitation catholique dit qu'elle est source de grâce. Parfois tout le monde ne dit même pas je vous salue Marie. Il y a même des gens qui disent réjouis-toi Marie et on continue. Donc ça veut dire que Marie, écoute-moi mon cher, écoute-moi ici là. Donc ça veut dire que si on dit que Marie est pleine de grâce, ça veut dire que ça pousse aux gens de venir vers elle comme source de grâce. C'est pour cela qu'on l'appelle la dispensatrice. C'est pour ça qu'une autre appellation des c'est qu'on dit qu'elle est dispensatrice des grâces. Ouais, n'est-ce pas? Tu connais ça, n'est-ce pas? Alors que Marie est la dispensatrice des différentes grâces de Dieu. Est-ce que Marie dispense les grâces de Dieu? Maintenant, la Bible déclare ici que quoi? Qu'elle est quoi? Quelle est? Elle a accouché Dieu, faites attention. Et qui l'a créé? Et qui a créé Marie? Elle a accouché Dieu. Attends, d'abord, qui a créé Marie? C'est une créature de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une créature de Dieu. Donc, on dit n'importe quoi, mais avec un peu de respect, est-ce que je peux venir, disons que votre mère, maman, c'est un exemple, a une mauvaise réputation. Peut-être voix et tout. Je viens un jour vers l'homme de Dieu, je commence à dire des choses vraiment. Homme de Dieu, votre maman là. Non, non, même si je ne suis pas content, c'est la vérité. Je vais te montrer quelque chose. C'est justement ce que la Bible fait. La Bible présente chaque personne dans la Bible avec son péché sans détour. Ou David, oui, quand il a couché avec quelqu'un, Dieu a dénoncé. Marie, pardon? Le péché de la vieille, j'arrive au niveau du péché de Marie. C'est le fait qu'elle soit née d'un homme et d'une femme. C'est ça le péché de Marie. C'est son péché là-bas. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il en est. C'est un pécheresse. Parce que la Bible déclare, dans cette annonciation-là, elle a dit que d'où vient-il que Dieu a jeté son dévolu sur moi. Il est mon sauveur. Ça veut dire qu'elle avait besoin du salut. Sinon, Jésus ne peut jamais dire qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé. Parce qu'il n'a pas besoin du salut. C'est lui la source du salut. Tu vois? Donc Marie, elle n'est pécheresse. Marie ne fait jamais, même au noce de Cana, dès qu'elle allait souffler à son fils, ils n'ont plus de pain. Elle aussi allait vers les gens, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dit. C'est le comportement. Marie n'a jamais dit que faites ce que je vais vous dire. Mais j'ai dit ce qu'il va vous dire de faire. Mademoiselle, donc ça veut dire que le comportement, c'est ça, ce sont des comportements, vos comportements. De vent. Mais maintenant, alors, j'ai dit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le comportement là que tu appelles d'un péché? Alors maintenant, dis-moi, le péché de Joseph, c'est quoi? Joseph, son mari. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Saints parce qu'ils ont accouché Dieu, ils étaient appelés à élever Dieu, enfant Dieu. Ils ont eu Marie a porté l'enfant dans son ventre, 9 mois. Mm-hmm. Pour moi, il était pur. Oui. Parce que quelqu'un qui est impur ne peut pas porter Dieu, c'était impur. Bon, maintenant, regarde bien sa parente. Soit Joseph ou sa maman, regarde. Ils étaient purs. Sa parente, Elisabeth, son péché, c'était quoi? Elisabeth et Zacharie. C'était même aussi des saintes personnes. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement Marie. C'est ce que tu as de conclure contre toi-même que ce n'est pas seulement Marie qui était dans cet état-là. Parce que tu viens de dire que tu as dit que le péché de Marie c'était quoi? J'ai dit que c'est le fait qu'elle soit née parmi les hommes. Il te dit aussi que montre-moi le péché d'Élisabeth et de Zacharie, leurs grands-parents. Marie n'a pas de péché. Non, laissons Marie. Il dit Élisabeth et Zacharie, ils avaient des péchés. Avaient-ils des péchés? Ils n'avaient pas de péché. Donc ça veut dire que Marie n'était pas seule dans cet état-là. Dans quel état? Dans l'état où tu dis que montre-moi le péché de Marie. Et comme il n'a pas de péché, Zacharie n'avait pas de péché. Donc ça dit, alors ça ne fait pas que Marie n'est pas donc supérieure à Zacharie ni à Elisabeth. Elle est donc c'est ça rapport. En quoi? Parce que c'est elle qui accouche Dieu. Elle accouche Dieu, c'est une grâce spéciale qu'elle a obtenue. La mesure de supériorité là qu'il a déposé, comment elle a accouché Dieu, ça fait qu'elle soit supérieure. Ouais, qui a fixé ce standard là? C'est ce qui transparaît. Je voulais dire qu'elle accouche le précurseur pendant que Marie accouche Dieu. Donc par conséquent, pourquoi Marie est plus papa. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vient, dont elle reconnaît en Marie une certaine supériorité. Chapitre 11, donc, comme Marie, je dis. Dans son humilité, quand l'ange lui dit que ta cousine, ta grande cousine, parce qu'on nous dit que le couple Zacharie était déjà âgé, est enceinte, elle s'est levée malgré que c'est elle qui portait l'enfant Dieu. Elle allait voir sa cousine qui était... Chapitre 11, verset 27, allons-y. Chapitre 11 de Luc. Écoutez, à haute voix, lis à haute voix. Parler des choses, elle a quand même accouché Dieu. Tandis elle mérite quand même Jésus au moins parlait. Un minimum de respect. On ne parle pas de elle a accouché Dieu. Bon, est-ce que le respect ça veut dire que tu dois l'adorer ou le prier? ça c'est comment je peux dire ça? Même chez les catholiques n'adorent pas Marie. Vraiment, hein? Les catholiques, allez causer avec un prêtre. Non, adorer ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que veut dire adorer? Demandez-moi, je vais vous dire que moi je ne sais pas. Wow. Verset 27. On dit à la lutte qu'on adore, on la vénère seulement, n'est-ce pas? Allons-y, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme s'éleva. Une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Stop. Donc, on a dit que Jésus était de parler comme ça. Quelqu'un a élevé, une femme a élevé la voix du milieu de la foule, heureux les seins qui t'ont porté et les mamelles. Elle parlait de qui là? Elle parlait de. Lisons la réaction de Jésus lui-même. Allons-y. Et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Maintenant, si on met donc sur le pied d'égalité, maintenant, qui est supérieur à Marie? Jésus dit que qui est supérieur à Marie sur le plan de l'égalité, comme était dit là. Ceux qui écoutent la parole. Si? Oui, et qui a dit que Marie était supérieure à Dieu? Qui a parlé de ça? Je n'ai pas parlé de Dieu et de Marie. On parle de quoi? Non, il faut bien suivre. Il ne faut pas seulement parler pour parler. Hein. Non. Regarde, tu as sorti une assertion selon laquelle Élisabeth a accouché Jean-Baptiste le précurseur. Marie a porté le Messie sauveur. Dieu. L'enfant de Dieu, comme tu as dit. Donc, pour ta part, Marie est plus grand que Élisabeth. Nous interrogeons Jésus lui-même. Le Dieu sauveur dont tu parles. Le fils de Marie dont tu parles. Quelqu'un s'est levé du milieu de la foule pour élever Marie. C'est pas ce qu'on en dit, voilà. Quelqu'un dans sa présence. Heureuse. Quand il a entendu Jésus qui parlait, il dit: heureuse. Les mamelles qui t'ont allaité, heureuse, les seins qui t'ont porté. Il a dit: stop. Heureuse plutôt. C'est ce qui est écrit clairement. Heureuse plutôt. Donc ce n'est pas Marie qui est heureuse. C'est ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Oui, et si ça ferme toute contestation oui, sur la Marie. Vous dit que non, ça, il n'y a pas de vous le dire. On comprend. Tout le monde comprend ce qu'il a dit de dire. Il n'a pas dit le détail. Il n'a pas dit que laisser les détails. Il a dit que heureux plutôt. Attendez, quand il n'a pas dit que. Il a dit heureux. C'est ce qu'il a dit. Quoi faire? Il a dit heureux plutôt. Stop. Quand on dit plutôt, ça exclut l'autre côté. Donc il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Il a dit heureux plutôt. Donc ça dit l'autre être exclu. C'est ce qui est admis. Donc là-bas, il n'y a pas de tergiversation. Alors par conséquent, vous voyez effectivement que si vous n'adorez pas Dieu comme selon le moyen qu'il a pourvu, vous serez en train de vous pourvoir pour rien. Il faut revenir à la Bible, telle que la Bible l'a donnée. D'accord? Tous les acteurs sans exception de la Bible ont quelque chose à nous apporter. La Bible nous déclare dans Deutéronome 4, verset 15 à 19, que le jour que Dieu a fait sortir le peuple juif de l'Égypte, Dieu a fait exprès de ne pas leur faire voir un visage. Parce que c'est que l'être humain a la soif d'adorer quelque chose qu'il voit. À vouloir faire, c'est faire des représentations. Il dit: veille attentivement sur ton âme, de peur que tournant les yeux vers le ciel, tu ne t'amènes à être prosterné, de faire que tu fasses une image corrompue. Il dit: la figure d'un homme, d'une femme, des animaux et quoi que ce soit, tu ne dois pas faire ces figures-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit: veille attentivement sur ton âme. Donc, c'est l'âme. Vous voyez, effectivement, quand on dit que non, si on fait ça, où est le problème? Le problème, c'est tu fais comme ça, tu désobéis à Dieu, tu es livré au culte, comme la Bible déclare, de l'armée des cieux. Et par conséquent, les démons sont derrière. Donc, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce que ce n'est pas écouter. Écouter et qui la garde. C'est pas ça, hein? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous voyez que je vous salue, Marie, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a pas même pas je vous salue. Un ange ne vous verra pas, Marie. Pour commencer. Un ange ne vous voit pas, Marie. On dit je vous salue, Marie. Donc, vous remarquez bien, même dans la relation avec pour Jésus. Je vous salue Marie, mais au fils, on dit j'étais. On dit pas je vous à Jésus. Donc même sur le rapport du respect humain, on respecte sa maman, on ne respecte pas Jésus. À Dieu, il parle à tu. Mais à Marie, on parle vous. Et elle est élevée. La mariologie. Les détails que les gens négligent. Ils négligent. C'est parce que c'est avec le temps. C'est parce qu'on a pour le temps. Ils devaient prendre ces choses-là. On devait mettre un tableau, je vais vous expliquer. Et puis maintenant, je fais vous ouvrir vos téléphones. Je vous donne des références. Vous regardez. L'Ave Maria, son origine et toutes les autres choses, là, tout ce qu'on a fait là, tous, à partir du moment cela. En 473, à Éphèse, lorsque Nostro est sorti avec Marie, mère de Dieu, sanctionnée, en disant par rapport à Éphèse, là où dans la Bible on parle de Diane, comme celle que toute l'Asie adore, vénère. C'est là, voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? On a une deuxième partie, on n'a pas fini. Vous ne quittez pas tant qu'on n'a pas fini aujourd'hui. Ça va? Non, si vous avez fini, vous pouvez partir. Je vais continuer déjà ici avec qui je vais travailler. Tu avais dit que tu avais une question, non? Tu n'as pas de question. Tu as la réponse seulement. Il a peur que ça l'attrape. Il a peur que ça part. Il a peur que ça l'attrape. Oui, oui. Comme il y a tellement de Bibles, de coches à voir, tout ça, quelle est la meilleure? La Bible que tu as à la maison, lis cela. Si je peux avoir toi à la maison. Lis. Pourtant, c'est. Non, tu as top, lis. D'accord. Lit, pratique, c'est ce qu'on a dit. Ce que Tobe dit donc, ce n'est pas ce que aussi la Sainte dit. Non, c'est la Sainte même, c'est ce que ça dit. Lit. Lit, tu pratiques ce que ça dit. D'accord. Mm-hmm. Lit. Des questions, posez des questions. Donc, n'essaie pas de fuir la Dieu en disant que non, c'est les versions bibliques qui m'embrouillent. Lis ce que tu as. Parce que moi, je lis. Pour le témoin, le jour, je lis. Pour la version satanique, je lis tout. Pour, je sais c'est de quoi il est question. Donc, tu as ta Bible. Lis ce que tu as. Posez les questions alors. Donc, tu comprends maintenant que désormais, que tu mets tes genoux au sol. Si Dieu gifle les gens, c'est que Dieu dit, vous salue, il te tape la bouche comme ça, tu vois. Mais comme il est miséricordieux, il laisse le temps pour que les gens se corrigent. Il n'y a plus de questions. Madame Saba, il y a encore une question. Que le Saint est béni. Donc, demain, n'est-ce pas, on va continuer. Donc, quand tu vas venir donc, maintenant, tu viens avec une feuille. Je vais donner verset après verset sur le sabbat, d'accord? D'accord? Bonne nuit. Autre question, mon cher? C'est bon, n'est-ce pas? Voilà, je commence donc avec mes frères ici. On continue. Ça va, non? Va donc causer avec celle-là que tu vas fuir demain, là. Demain, je t'attends ici. Hein. Oui, oui. Et donc, même si on n'est pas là par la suite, vous êtes les voisins ici. Voilà votre frère ici. Mm-hmm. Je serai là, je viendrai vous voir vous-même. Non, mais après, quand il veut partir, il dit quand il veut partir. Okay. C'est pas moi qui vais t'aider à fuir. Hein. Non, ce n'est pas voilà. Question de quand quelqu'un va m'aider à fuir. Oui, donc, c'est ça qui va me faire fuir. Voilà. Bonne soirée alors.